Bonsoir à tous, podcast numéro 48, je suis Grégoire, l'hôte de ce podcast, et je vous souhaite la bienvenue en compagnie de mes fameux co-animateurs pour cette nouvelle formule d'Upcast. Donc pour m'accompagner dans ce flou qui est cette nouvelle formule, bah on va dire bonjour à Julien. Salut Julien. Salut à tous, l'appellation nouvelle formule me fait déjà rien. Voilà, c'est ça, ça va être plutôt AOC comme podcast que nouvelle formule. Et Dimitri, salut Dim, ça va? Konnichiwa, je m'adapte. au public japonais. C'est ça. Ouais, non, sinon, ça va plutôt pas mal, ça flotte bien. Bon, ça flotte, c'est bien. T'es prêt pour cette nouvelle formule? T'es prêt à nous surprendre avec des news qu'on n'aurait jamais entendues ailleurs? Ou même pas écrites. Ou même pas encore écrites. La cinquième va vous surprendre. Voilà comment on va vous retenir après le générique. Julien, peut-être, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu? Est-ce que tu veux nous mettre un peu l'eau à la bouche sur cette nouvelle formule avant qu'on l'entame, justement? Non, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça va toujours être un podcast qui va parler de divertissement, c'est-à-dire de cinéma, de séries, de musique et de jeux vidéo dans la deuxième partie. Je croyais qu'on allait parler de chasse et pêche. On peut s'y autoriser de temps en temps. Non, en fait, on a essayé un petit peu de condenser un peu la formule, de faire quelque chose, pas forcément de plus court, mais de plus, je vais dire, éditorialisé, avec peut-être plus de pastilles, plus de rubriques, moins de tunnels de news et peut-être plus de débats. Enfin, ouais. On va essayer. Ouais. Et on a essayé aussi d'équilibrer en termes de rubriques entre les deux parties. C'est-à-dire que de faire vraiment des choses qui se répondent à la fois dans le jeu vidéo et dans le divertissement, même si on sait qu'il y a des gens qui écoutent qu'une partie plutôt que l'autre. Donc, on voulait quand même garder ces deux parties vraiment distinctes. Et voilà, après, il y aura des nouvelles rubriques, mais il n'y a pas un bouleversement de la formule qui va faire trembler sur ses bases toute l'industrie du podcast. Non, quoi. C'est ouais, bon. Quand même, on est assez surveillé, il faut le dire. Il faut qu'on est assez écouté. Ouais. Et je pense qu'on va y avoir, à mon avis, quand même des copieurs. On est obligé de le dire. Hein, oui, parce voilà, attendez-vous à des pastilles qui vont être reprises un peu à droite à gauche. Parce que bon, c'est des trucs qu'on n'a jamais entendus auparavant. Chez les vétérans du podcast français. Quoi. Voilà, c'est ça. Ils se reconnaîtront. Bon, bah, je propose qu'on continue sur le plan finalement qui n'a pas vraiment changé pour le coup. Non, mais c'était pas le but de bouleverser toute la formule. Effectivement, non, on reste sur le même contenu, à savoir qu'on va commencer par le divertissement avec donc grande partie divertissement et ensuite une grande partie jeux vidéo. C'est parti. Partie divertissement, du coup, ce qui change déjà, c'est que cette fois-ci, on va s'autoriser une première pastille qui va être un débat ou pas, qui peut être lié à l'actu ou pas. Cette fois-ci, ça c'est important parce que c'est vraiment une nouveauté, c'est-à-dire qu'il va peut-être nous arriver parfois d'avoir un débat qui n'aura absolument aucun lien avec une nouveauté quelconque, revenir sur la carrière d'un artiste qu'on aime bien, par exemple, en musique, etc. Même s'il n'a pas sorti d'album, on va s'autoriser un peu à ce genre de choses. Et une des idées qu'on avait eues et qu'on avait envie de faire, c'était aussi de se forcer un petit peu quelque part à écouter une œuvre ou à aller voir une œuvre ou à lire une œuvre ou à regarder une œuvre, tous les trois de notre côté, tous quasiment finalement en même temps, en tout cas dans l'espace entre deux podcasts, et puis finalement de la commenter en revenant pour vous, chers auditeurs, dans notre numéro d'après. Donc là, cette fois-ci, c'est assez lié à l'actu puisque c'est une nouvelle œuvre, qu'un film, c'est ça, qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps. Et on se dit, Dim, Julien et moi, qu'on allait avoir ça et qu'on va vous en parler. Et que du coup, pour cette première partie, il y aura du spoil un petit peu, j'imagine. Hein, on va raconter un petit peu ce qu'on en a pensé. Peut-être, Dim, je vais te laisser commencer parce que je crois que c'est peut-être toi qui l'attendais le plus, ce film. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu veux tout de suite nous lancer la purée, nous dire ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Je t'écoute un petit peu sur ce film que tu attendais de pied ferme. Ouais, bah, je vais donner tout de suite mon avis. Donc, j'ai tout simplement adoré. Hein. Bon, en même temps, c'est pas dur vu que c'est tiré de mon histoire préférée de Stephen King. J'adore le roman. C'est peut-être pour moi son meilleur. Enfin bon, je les ai pas tous lus, mais bon. Et le film a le bon goût d'être assez fidèle à celui-ci, tout en prenant quelques libertés afin de le remettre au goût du jour, j'ai trouvé. Je vais pas m'attarder sur le fait que le film se passe dans les années 80 et non plus dans les années 60. Chacun en pense ce qu'il veut, quoi, mais j'avais surtout peur que le film soit un peu un copier-coller du téléfilm avec les moyens d'aujourd'hui. Mais il arrive à la fois à être différent dans les situations exposées tout en restant très fidèle au roman dans l'esprit, j'ai trouvé. Le casting est bien au top. Bill Skarsgård est parfait en Pennywise. Il offre quelque chose de différent à celui de Tim Curry. J'avais peur au début que Donc on a vu les premières photos du clown. Enfin, je le trouvais pas trop menaçant, hein, celui de Tim Curry. Il t'offre un ballon, t'hésites un peu, mais bon, il avait l'air sympa. Donc du coup, le ballon, tu le prends, quoi. Mais celui-là, je le croise. Voilà, je me barre direct, hein, sans réfléchir. Du coup, ça le rend un peu moins ambigu et aussi moins angoissant que la version 90. Mais en même temps, à la vision du film, on comprend vite que c'est une autre interprétation du personnage. Il est beaucoup moins bavard et cherche vraiment à te faire flipper, quoi. Donc au final, ça marche très bien aussi. Et sur ce point, pareil, j'ai trouvé le film vraiment réussi. Il est assez stressant et fait rare dans un film de ce genre où normalement on alterne peur et calme. Il y a toute une scène où ça ne s'arrête pas, hein, la scène où il rentre dans la maison, où se cache le monstre. Chaque perso a le droit à son moment de trouille, j'ai trouvé ça vraiment bien trouvé. Et les ados sont aussi très bons, avec des dialogues moins cucu que ceux du téléfilm, hein, mention spéciale à l'acteur de Stranger Things, qui reprend le rôle de Richie Tozier, et qui est très drôle, aussi l'actrice qui interprète Beverly, qui pareil joue à merveille. Moi j'ai quand même trouvé, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais que le film a quand même un défaut, c'est que certains personnages passent un peu à la trappe et ne sont pas trop approfondis, comme celui de Ben ou Mike. Ouais, Mike. Ouais, voilà, bah, c'est peut-être dû au fait que la structure de l'histoire a changé et elle n'est pas racontée sous forme de flashback, comme le téléfilm, où je suis plus sûr vraiment que le roman a cette forme-là, mais il me semble aussi. Donc peut-être qu'une erreur qui va être corrigée avec la version longue qui a été annoncée en Blu-ray. Mais sinon, je trouvais que le réalisateur Andy Muschietti confirme tout le bien qu'on pouvait penser de lui après Mama. Il a fait un sacré bon taf, le film est très beau et pour ma part, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de voir la suite, quoi. Bon, bah écoute, Dim est enthousiaste sur le film. Ça, bizarrement, ça m'étonne pas trop, hein, finalement. Je me doutais que t'allais bien aimer, t'étais prévendu, voilà. Là, toi. C'est vraiment, on va dire, une histoire vraiment qui m'avait vraiment passionné depuis que je suis gamin. Donc, ça, voilà, c'est sûr. Il faut préciser que Dimitri est cloutrophobe. Hein. Enfin, je crois qu'on dit ça, mais qu'il a peur des clowns. Hein. Donc voilà, forcément un sujet. Trop maintenant, j'ai grandi. Mais... un sujet qui le touche. Toi, Julien. Les clowns et les araignées, je crois. Les clowns, les araignées. Ouais, et la poudre, la farine aussi. Oh, bref, c'est un autre sujet qu'on reparlera en privé. Ouais, t'étais pas obligé de le dire pour la farine. Julien, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Je t'ai vu un petit peu hocher de la tête pendant la chronique de Dim. Je me doutais bien que j'allais être seul contre tout. Comme d'hab. Pas tout à fait, mais il y avait un très bon jeu télévisé présenté par Laurence Boccolini qui s'appelait Le Maillon Faible, où on humiliait en fait des candidats et elle disait correct. Et donc j'ai envie de dire c'est un film correct. Tu vois, mais correct. Juste correct entre les deux. En fait, moi, mon problème avec le film, c'est que c'est un film assez aseptisé, assez plat. Et c'est-à-dire, en fait, toute la... Alors, est-ce que quand tu vas voir un film d'horreur, tu t'attends à ce que ça fasse peur? C'est un débat. Moi, c'est pas forcément ce que j'attends, mais je trouve qu'en fait, tous les effets, les tentatives d'effets de peur sont tombent complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'en fait, donc Muschietti, il utilise le son d'une manière... c'est un pyromane du son. Je sais pas ce qu'il fait. C'est complètement extravagant. C'est-à-dire que t'as une espèce d'indus. Il y a des espèces de basses hyper violentes. Donc, au bout d'un moment, tu le vois complètement arrivé ce truc, c'est-à-dire que quand il veut essayer de souligner une scène qui est censée te faire peur, il va la surligner par la musique, et t'as hormis la scène d'ouverture que je trouve vraiment très réussie, donc juste pour la resituer, c'est celle qu'on voit dans le trailer, où en fait donc c'est Bill qui fait un petit bateau en papier, ouais, pour son frère qui va être le petit gamin qui va disparaître, et donc le bateau arrive directement, enfin... Il y a une petite musique qui part. Alors que oui, c'est une publicité. Excusez-moi, on va couper ça pour montage. Voilà, par exemple, ça faisait beaucoup plus peur que tous les effets de Muschietti. J'ai peur aussi. C'est-à-dire que là, tu te dis, il y a un truc un peu, un corps étranger qui arrive quelque part, alors que dans ça, t'as que des cœurs complètement, complètement homogènes qui arrivent dedans. Et en fait, cette scène, moi, je la trouve super réussie. C'est la scène où il pleut vraiment à torrent. Mmh. En plus, la photographie, et on en parlera, je trouve que le film est assez beau au niveau artistique, au niveau de la photographie. C'est le type qui a bossé avec Park Chan-wook, qui a fait tous les films qu'on connaît, notamment les derniers, je sais pas s'il était à l'époque sur Hellboy, mais notamment, je sais pas s'il est sur Mademoiselle, mais il a fait quelques parts de Chan-wook, et on reconnaît ce côté assez vaporeux, une photographie vraiment, vraiment très réussie. Et cette scène, je la trouve super bien faite parce que justement, elle est avare en effet. C'est-à-dire que tu vois juste au début ses yeux, il y a un dialogue qui s'instaure entre Pennywise et le gamin, et là, ça fonctionne vraiment. Or après, ça devient complètement du grand guignol. Tu vois, moi j'avais un peu l'impression quand on en parlait, quand on jouait au PSVR à Rush of Blood, tu vois le truc où t'as vraiment des gros effets un peu, ouais, un peu appuyés, ouais, et ça, ça foire complètement. Et alors après, tout à l'heure, Dim disait oui, alors le côté finalement, que ça soit les années 80, c'est pas finalement très important. Moi je trouve que c'est important parce que finalement, tu peux pas t'empêcher de penser à Stranger Things. Ouais. Alors, je sais qu'ils s'en sont défendus parce qu'ils ont dit oui, nous, ça fait longtemps que le film est en production, et c'est vrai que le film, il a passé entre plein de mains, et il était déjà dans les années 80. Et on comprend l'intention de le mettre dans les années 80 parce que tu sais que finalement, tu vas pouvoir plus te raccrocher à tes souvenirs d'enfance, ça va beaucoup mieux fonctionner que si tu le places dans les années 60. Sauf qu'en fait, moi, constamment, tu vois, voir des gamins encore à vélo, voir des gamins qui vont essayer de mener une enquête avec le club des losers, t'as l'impression de l'avoir vu 150 fois, et tous les clins d'œil appuyés aux années 80, aux Gremlins, il y a L'Arme Fatale, hein, tu vois que L'Arme Fatale est en train de passer. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. T'as aussi, je crois que t'as Les Griffes de la Nuit. Il y a Street Fighter, hein, mais le premier Street Fighter, ils ont pas mis le 2 parce que ça devait pas correspondre au niveau des dates. Mais voilà, t'as des trucs. Et honnêtement, la partie un peu Goonies, c'est pas le truc le plus réussi du film. C'est pas désagréable. Mais tu parlais tout à l'heure des blagues du type qui joue aussi dans Stranger Things, du gamin qui joue dans Stranger Things. Enfin, les blagues sur ta mère, c'est un peu les trucs que t'as vu un peu 150 fois. Donc souvent, j'ai trouvé ça hyper plat comme film. C'est-à-dire, c'est pas désagréable, après, c'est pas un mauvais film. Après, je sais pas si t'as lu le roman, mais c'est assez fidèle quand même au roman. Hein. C'est-à-dire que dans le roman, le personnage de Richie Tozier, il est assez, assez lourdingue. Il fait tout le temps des blagues justement pour se rassurer, pour essayer de plus avoir peur. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt bien retranscrit dans le film. Ouais, alors moi, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai entendu dire que justement, là, les punchlines étaient meilleures que dans le bouquin. Après, je sais c'est pas dialogue, si ça a été actualisé, quoi. Ouais. Et voilà, après, il y a peut-être une autre scène qui sort du lot, c'est la scène avec les menstruations, là, l'équivalent. Pour moi, la meilleure scène du film, clairement. Mais tu vois, par rapport. Là, il y a pas longtemps, on avait parlé, moi, je l'avais vu, It Follows. Ouais. Mais tu vois, dans la façon dont ça instaure une ambiance. Ah, c'est beaucoup plus réussi. C'est beaucoup plus réussi. Alors moi, je suis assez d'accord, hein, pour le coup. Effectivement, It Follows, l'angoisse monte pendant tout le film et tu flippes vraiment de savoir ce qui va se passer. Tu flippes vraiment du méchant ou de l'entité qui va arriver, de ce qui va se passer. On ne la voit pas vraiment. On l'entreaperçoit un moment entre deux portes dans une courte scène qui dure quelques secondes. Et après, ça te marque pour tout le film et tu n'as juste plus envie de la revoir. Là, effectivement, on est plutôt dans la démonstration un peu excessive de la peur. Et finalement, moi, c'est un peu ce qu'on en discutait avec Dim par texto après que j'ai vu le film. Je suis un peu de ton côté, pour le coup, Julien, c'est que j'ai trouvé le film bien fait. Voilà. On peut pas lui reprocher ça au niveau technique, c'est pas mal. Encore que moi, tu vois, la photo, je suis pas aussi convaincu que toi. Sur quelques scènes, je la trouve efficace. Ah, la scène du début, la scène de menstruation est très réussie. Le placement de caméra sont intelligents. Tout ce qui se passe dans cette scène, je la trouve très bien écrite. Ouais, il se fout pas de la gueule du monde. Non, quoi, tu vois, c'est pas... pour moi, c'est presque une scène mémorable dans l'histoire de l'horrifique, etc. Mais bon, est-ce qu'elle est plus mémorable que Carrie, par exemple ? Non. Pas forcément. Mais après, elle est très bien jouée, très bons acteurs, etc. Mais, et pourtant, je suis une grosse flippette au cinéma. J'ai pas eu peur, quoi. Et là, je me suis dit qu'il y avait un problème quand un film n'arrive pas à me faire peur, c'est qu'il y a vraiment un problème parce que moi j'ai peur au moindre truc. Et en fait, c'est ça, il n'y a pas une atmosphère finalement très dérangeante. Ouais, mais c'est ça le pire, parce que encore faire peur, ok, si ça fait pas peur, c'est pas grave, mais c'est ce que tu disais, le côté angoissant. Non, il n'y a pas d'angoisse, t'es pas angoissé pour eux finalement. Tu sais presque tout de suite qu'ils s'en sortent, t'es pas inquiet pour eux à aucun moment presque. Et peut-être, à l'occasion de quelques scènes, mais c'est parfois sur des personnages où tu sais même pas trop finalement ce qu'ils font là. Je pense au petit, au jeune qui avait vu ses parents brûler, etc. Au moment où il commence à voir le clown avec des mains qui sortent comme si des gens se faisaient brûler derrière une porte, etc. Bah, ça m'a un peu fait angoisser, mais finalement ce personnage me disait mais c'est qui en fait ce petit là, on l'a jamais vu, il repart après. Toutes les terreurs qui sont liées à l'enfance, elles sont, à part peut-être encore une fois la scène avec le petit quand il descend dans la cave, la scène du début avant qu'il parte dehors chercher le petit bateau en papier, il y a cette scène là où tu vois, et là il se passe presque rien, non. Et ça c'est efficace. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop s'il y a quelque chose et il remonte tout de suite. Et ça, j'ai trouvé ça plus flippant que tout le truc où tu vois le monstre qui grandit de je sais pas combien. On le voit presque trop. Le truc où il prend toutes les formes. Tu vois, au bout d'un moment, tu te dis, il y a tellement d'effets comme ça pyrotechniques que ça casse. Oui, puis au final, il prend la forme d'un zombie. Un zombie, on en a vu beaucoup. Parfois, les formes sont presque décevantes en fait. Dans ce que... C'est l'essence même du livre. Quoi. Il se transforme Ouais, bien sûr, on va dire, dans les peurs des enfants. Et là, on va dire, dans dans les années 80, voilà, c'est peut-être des gamins qui ont vu des films de George Romero ou des choses comme ça. Quand tu prends le bouquin à l'origine, dans les années 60, la créature, elle se matérialisait en, par exemple, en loup-garou, en Dracula, ou des choses comme ça, les Universal Monsters. Donc, bon. Ouais. C'était aussi peut-être aussi pour appuyer le trait de caractère du livre, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, sans vouloir encore enfoncer le film, parce qu'encore une fois, il est correct, hein, mais je pense à un film alors, qui n'est pas directement inspiré d'une nouvelle de King, mais qui est inspiré de l'univers de Stephen King, qui est L'Entre de la Folie. L'Entre de la Folie, au final, c'est pareil. On voit beaucoup de choses pour le coup dans L'Entre de la Folie. On voit des monstres, on voit des trucs, enfin, il se passe plein de choses. Et pourtant, je trouve que l'ambiance, elle est vraiment malsaine, elle est angoissante et elle monte pendant tout le film. Et finalement, c'est un peu ce qui m'a manqué. Dans ce film-là, c'est que bah, c'est très bien fait, mais t'angoisses pas, quoi. Donc c'est presque un petit peu dommage. Mais après, on peut pas lui retirer que, tu vois, au final, j'ai passé un bon moment, mais je me suis dit, j'ai plus vu un film d'action ou un film presque familial, entre guillemets, tu vois, que vraiment un film où j'ai eu vraiment peur et où j'aurais pas envie de le revoir. Moi, tu sais, ça me faisait presque penser aux Goonies. Le film de kids, le film de gamins qui vont essayer de se trouver un peu enquêteurs, un peu héros. Mais tu parlais tout à l'heure du côté de la peur. Le truc, c'est que, voilà, moi, j'ai un peu regardé... Moi, je connais pas tellement Stephen King quand j'étais petit. J'étais plutôt Lovecraft, donc c'était une peur complètement différente. Ouais. Et King, c'est plutôt la peur physique. Or, les adaptations que moi j'ai trouvées les meilleures, c'est souvent ceux qui vont vers la peur mentale, c'est-à-dire celle par exemple de Shining, et on sait que Stephen King n'avait pas du tout aimé l'adaptation de Kubrick, non. Qui pour lui c'était pas du tout, et peut-être c'est pas du tout la même chose que le bouquin, mais moi quand je vois Shining, c'est un film qui me fait 100 fois plus peur que ce qu'on voit là, avec une espèce de truc très très physique, avec l'espèce de zombie qui essaie de les attraper, tu vois, le côté où le clown va complètement se métamorphoser pour essayer de les... Voilà, c'est toujours des poursuites, des trucs très physiques, et je trouve que quand t'as pas du mental à l'intérieur d'un film d'horreur, bah au bout d'un moment, quand il y a un peu le 12e, enfin même pas, au bout du 3e effet de peur avec un gros son qui arrive, bah t'en as marre, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, tu satures et l'effet tombe à plat, quoi. Ouais, le travail sur la musique qui est pas exceptionnel non plus, malheureusement. Moi, je l'ai trouvé trop présente et en même temps pas vraiment marquante. C'est pas une musique où tu vas te... Si on te la remet, moi, je saurais même pas dire si elle était dans le film ou pas. Enfin, alors que voilà, certaines musiques peuvent te créer l'angoisse encore des années après. Même, il suffit de voir même sur des mecs qui font pas forcément de l'horreur, mais tu prends du David Lynch, qui la façon dont il travaille les sons, et même certaines scènes, tu vois, elles sont beaucoup plus horrifiques que ce qu'on a là, quoi. Ouais, bon. Après, ce que je disais, c'est que la peur, c'est un peu subjectif, quoi. Parce que bon, moi j'avouerais quand même que pas mal de fois pendant le film, j'étais pas mal stressé, quoi. Donc bon, après, j'ai eu un peu de mal à comprendre toutes les critiques qui disaient que justement ce film faisait pas peur, mais bon. Après, Je sais pas, c'est pas grave. On dit pas, encore une fois, moi je déconseillerais pas d'aller le voir, par exemple. Je dirais plutôt même aux gens, allez le voir, c'est pas mal, mais vous attendez pas à avoir peur, allez voir un film d'action, un film un peu rigolo presque, même fois, voilà, pour le jeune qui fait ses insultes, pour le côté progression des personnages. Alors moi, juste la jeune fille, là, elle joue super bien. Là, c'est une actrice qui est révélée, laisse tomber, quoi. Moi, j'ai trouvé ça super. Mais voilà, je trouve que c'est un bon film, mais qui est peut-être pas bien vendu, quoi. Après, je pense qu'avec le réalisateur qui était prévu initialement, c'était Cary Fukunaga, je crois que c'est ça son nom. Ça aurait peut-être été plus malsain, quoi. Après, c'est vrai qu'Andy Muschietti, il est plus, on va dire, dans la veine de Guillermo del Toro à faire des fables un peu fantasy à tendance horrifique que de la vraie horreur en elle-même, quoi. Alors, est-ce qu'on sait si Stephen King, il a bien aimé cette adaptation-là ? Ouais, si, il a bien aimé. Ouais. D'accord, bon. Bah, mais je comprends aussi, parce qu'il y a un côté très physique dedans. Il n'y a pratiquement aucune psychologie par rapport à l'horreur. Il n'y a aucun truc mental dans l'horreur. C'est-à-dire, c'est un truc... Bah, le clown, il fait ses trucs à l'intérieur des égouts et tu les vois directement. Le clown, tu le vois dès le début, tu sais comment il est. Mmh. Alors que beaucoup de films d'horreur fonctionnent aussi sur ce que tu ne vois pas. Bah, par exemple, en l'occurrence, toujours sur King, The Mist. Moi, j'avais préféré The Mist. Tu vois, dans le style, je sais pas si tu l'as vu, Julien. Toi, je l'ai vu il y a très longtemps. C'est celui de Carpenter, non, celui de Frank Darabont. Ah non, d'accord. Ah non, je comprends avec The Fog. Et ouais, c'est ça. Et The Mist, c'est un peu presque un film série B. Je sais pas ce que t'en penses, Dim, mais pour le coup, je l'avais trouvé assez efficace dans le côté justement peur et ambiance. Et en même temps, bah, du coup, on en profite pour un peu dénoncer les travers de la société américaine, etc. etc. Mais ouais, je l'avais trouvé assez angoissant. Mais, Je t'avouerai que j'ai plus trop de souvenirs de ce film. Faudrait que je le regarde à nouveau. Mais en tout cas, bon, voilà, moi, je sais pas, on va peut-être conclure après pour pas faire trop longtemps sur le film, parce que ça fait déjà un petit peu près 20 minutes qu'on y est. ton mot de conclusion, Julien, finalement, là-dessus. Et puis, on laissera Dim conclure quand même pour avoir une note un peu plus positive sur le film. Julien. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas un film déshonorant ou c'est pas un mauvais film où tu vois, des fois tu vois des films, tu te dis putain, là c'est complètement raté. Là, c'est quand même, on va dire, entre guillemets, du bel ouvrage. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je trouve que la réalisation elle est très très bonne, à part pour tout ce qui est effet de peur, mais il y a quand même des trucs, il y a vraiment des qualités. Même on parlait de l'interprétation, c'est très très bon. Maintenant, je trouve quand même c'est un film un peu trop neutre, pas du tout dérangeant, pas du tout. Il n'y a jamais de subversion sur l'horreur. Même tu vois le truc sur les règles, tu l'as vu quand même assez souvent. Et voilà, la scène elle n'est pas tellement audacieuse. Il n'y a rien d'audacieux en fait dans le film. C'est ça, moi, ce que je reprocherais. Ouais. Et toi, Dim, alors, du coup, quand même, pour essayer de nous. Moi, je ne donnerais pas mon avis, vous l'avez compris. Hein, je trouve que c'est un film moyen bon, quoi. On va, voilà, bon si on oublie que c'est censé être un film d'horreur, et moyen si on pense qu'on va aller voir se faire pipi dessus. Là, c'est un peu, pour moi, un peu raté. Mais sinon, encore une fois, je suis un peu de ton avis, Julien. C'est. Pour le coup, très réussi sur tous les autres plans. Donc, moi, je conseillerais plutôt d'aller le voir si je devais donner un verdict là. Et j'irai voir le numéro 2, puisqu'on sait déjà qu'a priori, il y aura un numéro 2, puisque ça cartonne. Dim ? Ouais, bah voilà, moi, justement, c'est surtout ce que j'attends, c'est le numéro 2, parce que le premier m'a vraiment énormément plu, hein, comme je vous l'ai dit. Mais pour l'instant, j'ai l'impression aussi d'avoir quand même vu, on va dire, un demi-film, vu que je connais l'histoire et que. On va dire, c'est plus une histoire avec des flashbacks. Et voilà, pour moi, c'est un peu ça le défaut du film, comme je disais. C'est que ça, les personnages ne sont pas assez travaillés, mais autrement, voilà, quoi. Le reste, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper, hyper fort. Ça va être quand même un des films, à mon avis, qui sera dans mon top 10 de l'année, quoi. Bon, bah écoute, on espère qu'on vous a quand même donné un peu envie de le voir, en tout cas qu'on vous a intrigué. Si vous l'avez vu, et vous êtes nombreux à l'avoir vu, puisque c'est encore une fois un gros succès au box-office, ouais. Venez sur upcast.fr, venez un peu nous dire, vous, ce que vous avez pensé de ça. Est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque, Julien et moi, en trouvant que ça faisait peut-être pas trop peur est-ce que c'est Dim qui est complètement à côté de la plaque parce que lui, il a adoré, mais après tout, on s'en souvient. Chacun ses goûts, venez discuter de tout ça dans le respect. Oui, Dim. Après, un film d'horreur aussi, c'est pas non plus forcément que la peur en elle-même, quoi. Non, je veux dire, moi, je trouve que l'histoire est vraiment, elle est vraiment cool, quoi. Ça regroupe un peu, on va dire, pas mal de thématiques liées à Stephen King, l'enfance, ouais. Et tout. Donc, voilà, quoi. Après, c'est vrai que la peur, c'est chacun voit. Ah, la c'est peur, très personnel, hein, ouais, exactement, voilà. Exactement. Donc, en fait, sur la ligne Xavier Dolan, qui considérait que c'était le meilleur film du siècle, voilà, on va dire que Dim est plus proche de Xavier Dolan que nous ne le sommes. Tu vois, Dim, c'est bien la première fois qu'on dit que t'es plus proche de Xavier Dolan que nous. Hein. Ah, bah du coup, je vais essayer de regarder ces films. Mommy, The Return of the Mommy. Ouais, c'est en cas de tir, tu pourras aller le voir. Bah, Dim, Julien, pardon, je vais te laisser la parole avec une. Peut-être une pastille qu'on avait déjà un peu faite dans le passé, mais qui va prendre une nouvelle forme, parce qu'on va te laisser la parole un peu nouvelle plus longtemps. Dimension, une nouvelle dimension, effectivement. parce que c'est les projets dans leur globalité, ouais. Mais tu les as classés en trois sous-parties. Oui, on a repris en fait les rubriques qu'on faisait, et puis pour essayer un peu de thématiser, de d'éditorialiser, ça va être le mot du podcast, les news. Donc les projets qui nous hype, les projets qu'on trouve risqués, ou les projets pourris. Hein. Cher à Dim, hein, c'était un peu Dim le père des projets pourris, on va dire. Donc tu veux qu'on commence par quoi ? Oh bah écoute, ce qui te fait plaisir, ce que t'as envie de nous dire, choisir. On va commencer par le haut et après on descendra dans le caniveau, même si je pense que pour le caniveau, certains m'en voudront peut-être de le mettre dans les, ouais, dans les projets pourris. Donc le premier projet qui me hype, c'est en fait Jim Carrey qui va retrouver donc Michel Gondry pour une série. Donc forcément, Michel Gondry et Jim Carrey, c'est Eternal Sunshine of a Spotless Mind, qui est quand même un film assez marquant pour pas mal de gens de notre génération, j'ai remarqué. Moi, c'est pas forcément mon Gondry préféré. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je préfère La Science des Rêves, mais voilà, je trouve que c'est aussi également un super film. Et là, en fait, ils vont se retrouver pour une série qui s'appelle Kidding, qui est... c'est comédie dramatique aux États-Unis. On sait que c'est toujours un peu compliqué de savoir si c'est plus de la comédie ou du drama, mais il y a des catégories un peu différentes. Qui va être, en fait, c'est une série pour Showtime en 10 épisodes. Chose intéressante, c'est que ça sera réalisé intégralement, c'est-à-dire les 10 épisodes, par Michel Gondry. Donc ça, c'est toujours, moi, je trouve, un gage de qualité quand t'aimes un réalisateur, plutôt qu'il vienne faire 2 épisodes et puis après, c'est un peu des prête-noms qui peuvent ne pas être mauvais, mais c'est toujours un peu différent. Donc en fait, pour juste parler de la série, ça met en scène Jeff, un ancien présentateur d'une émission pour enfants, désormais à la tête d'une entreprise multimillionnaire. Mais celui qu'on surnommait Monsieur Pickles s'apprête à vivre une crise familiale dévastatrice. Donc le pitch, on ne dit pas grand-chose. Mais voilà, moi, c'est un projet que je trouve intéressant. intéressant. On sait qu'il y a beaucoup de Gondry, c'est toujours un peu à la fois des trucs assez touchants et en même temps un peu de la bricole. Puis Jim Carrey, c'est un acteur qu'on voit beaucoup moins qu'à une certaine époque, ouais, où il était un peu dans tous les films. C'était un peu le grand comique américain, et puis après qui est parti un peu du côté du drame, qui a fait des trucs comme Man on the Moon, qui a fait Eternal Sunshine, et qui a montré qu'il pouvait apporter une épaisseur à ses personnages. Donc voilà, je trouve que c'est des retrouvailles 13 ans après qui personnellement font très envie. Ouais, alors moi tu vois, enfin je prends rapidement la parole, je l'aurais peut-être mis dans les projets risqués plutôt que dans les projets qui nous hype. Alors pourtant je suis un très grand fan d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mais bah là il y a pas Charlie Kaufman, c'est l'essence d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, hein, donc c'est celui qui est au scénario, qui écrit toujours des scénarios complètement barrés. Et puis l'autre raison, bah tu l'as dit, hein, c'est justement finalement le retour de Jim Carrey qui est dans une mauvaise passe, hein, le pauvre, bien sûr c'est pas de sa faute, une grosse dépression, etc. Et il a un peu abandonné la terre, Jim Carrey. Il est vraiment man on the moon en ce moment. Il y a une petite dimension risque là dans son personnage en ce moment, parce que il a, je sais pas, voilà, si on peut lui confier un projet aussi important sans qu'il pète pas un câble, parce que ça l'a fait souffrir dernièrement d'être dans des gros projets. C'est pour ça qu'on le voyait plus trop d'ailleurs. Donc, après c'est Showtime, ils ont l'habitude, ils ont fait la saison 3 de Twin Peaks, hein, donc tu vois, c'est les mecs qui sont, non mais bon. En tout cas bon, c'est des bonnes, hein, tu feras jamais aussi barré, donc vas-y. Ensuite, autre projet qui te hype, on dira si ça nous hype aussi, c'est de la musique cette fois. Ouais, un projet musical, alors pour le coup c'est cinéma et musique, ouais. Puisque en fait j'ai parlé de Donald Glover, hein, donc Donald Glover, ça a aussi parlé à Dim. Bon, on le présente plus, on a beaucoup parlé ici, à l'époque même je crois que c'était Stan qui avait fait un petit retour sur Community, ouais, dans lequel il était, et puis on sait que c'est le futur Lando Calrissian, donc ça c'est pour placer un peu le projet Wars. Geek, projet Star Wars, j'ai vu qu'il n'y en avait pas ce mois-ci, mais je pense que, enfin c'est de quinzaine là, mais je pense que ça reviendra. Et en fait, bah, alors moi ce que je savais pas trop, qu'il était aussi chanteur et rappeur. Ouais. Et en fait, sous le nom de Childish Gambino. Et il va peut-être avoir un nouveau projet avec quelqu'un que moi j'aime beaucoup et dont j'avais parlé ici, c'est Chance the Rapper. Ouais. Donc je vous avais notamment conseillé l'excellente mixtape qui s'appelait Coloring Book. Et en fait, voilà, ils ont tous les deux plus ou moins avoué qu'ils avaient d'autres chansons en commun, puisqu'on les y retrouve déjà sur leurs albums respectifs. Je crois que c'était peut-être à l'époque de Acid de Chance the Rapper, il y avait un morceau avec Donald Glover, enfin avec Childish Gambino, ouais. Et sur ces albums aussi, il y avait Chance the Rapper qui déjà collaborait avec Gambino. Et alors justement, comment est né le futur projet et les rumeurs, c'est une déclaration de Donald Glover qui a dit « Je déteste faire les choses en étant forcé. Je crois que si l'on crée sous la contrainte, les choses se passent mal. Mais aussi, je pressens que si je ne fais pas une mixtape avec Chance the Rapper, un groupe de gamins de 14 ans vont me tomber dessus. Ça me fait peur, donc oui, je vais probablement faire quelque chose avec lui. » Voilà, donc on sait qu'il va être occupé pas mal par le cinéma, pas mal par les séries, puisqu'il est dans Atlanta aussi, qui a été une série qui a fait un beau succès aux États-Unis. C'est un petit peu moins connu en France. Mais voilà, je trouve que c'est un projet, bon, moi, à chaque fois qu'il y a Chance the Rapper, ouais, je mets une petite croix dessus, ouais. Et plus voilà Donald Glover qui est une personnalité que j'apprécie plutôt. C'est bien, hein, quand même. J'avais écouté en fait sans trop savoir que c'était Donald Glover. Ah en ouais, fait. D'accord. Et voilà, ouais, c'est vrai que c'est plutôt c'est pas mal. Plutôt pas mal, hein. Franchement, ça c'est un projet. Moi, ça me hype beaucoup aussi. Voilà, hein, sur plusieurs morceaux, ça peut être intéressant. Mais ce mec Donald Glover, il est vraiment à suivre, hein, je trouve, parce que tu vois, il est dans les petits projets comme ça. On va dire que c'est grand public sans vraiment l'être. Puis bah en même temps, voilà, la saga Star Wars pour le coup, il y a pas plus grand public. Intéressant, le gars arrive à quand même manier des cordes qui sont à l'opposé. Et puis en plus de ça, il était dans Community, qui a un truc d'humour assez voilà, c'est, enfin tu vois, le gars il est bon partout, quoi, donc c'est très intéressant, quoi. Dim, toi ça te donne envie de tu vas te mettre à Chance the Rapper finalement, hein, ah bah écoute, pourquoi pas, je suis toujours ouvert à écouter des nouveaux trucs. Mais j'avais déjà écouté ces projets musicaux à Donald Glover, ouais, c'était pas trop mal. Donc ouais, pourquoi pas. Oh, c'est pas que du rap, hein, ça part un peu. Déjà, Chance the Rapper, ça part vers un peu le gospel, un peu la soul. La soul, ouais. Et même Childish Gambino, il y a des trucs très presque free jazz. Il y a pas que, c'est pas que du rap en fait. Donc si t'es pas un ardent défenseur ou partisan du rap, tu peux aussi trouver ton compte, quoi. J'écouterai ça. Les projets risqués, ensuite Julien, donc peut-être des projets où là t'es un peu moins sûr de ce qui va se passer concrètement. Effectivement, les titres ont l'air moins prometteurs d'un coup là. Bah ouais, là on parlait des retrouvailles entre Jim Carrey et Gondry, et il y a d'autres retrouvailles, c'est Vincent Cassel qui va de nouveau tourner avec Jean-François Richet. Donc on l'avait vu, moi, dans deux films que j'adore, c'est le ouais, diptyque Mérine. Génial. Je trouve vraiment, voilà, c'est un des plus beaux projets de ces dernières années dans le cinéma français. Il avait fait aussi Un moment d'égarement, bon, qui était un peu passé plus inaperçu aussi avec Vincent Cassel. Et là, alors, pourquoi c'est risqué? C'est parce que le film, en fait, c'est L'Empereur de Paris qui a inspiré les aventures de Vidocq. Mmh. Et forcément, Vidocq au cinéma, ça laisse... C'est pitof. Voilà, c'est pitof. Donc ça laisse pas des grands souvenirs. Oh putain. Bon, je crois que je l'ai vu au cinéma avec Dim, ce film. Il me semble qu'on l'avait vu ensemble. Je crois que c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie, quoi, Vidocq. Avec Depardieu qui fait du Kung Fu, c'était magnifique. Ah, c'était hallucinant. Ah ouais, c'était, voilà, Pitoff, tu te dis, et c'est lui qui avait fait aussi, il n'avait pas fait Catwoman. Il a une petite filmographie, pas piquée des hannetons, comme avec on dit. Avec une scène de basketball où il y a 157 cuts en 3 minutes. C'est hallucinant, c'est un des records au cinéma. Faudrait voir s'il a fait autre chose. Je crois qu'il a arrêté Pitoff maintenant. Alors, Vincent Cassel a donné quelques précisions autour du film. Il a dit bon, on attaque le 25 septembre, donc c'est aujourd'hui. Voilà, merci dans l'actu. Cassel. C'est une histoire vraie, c'est une figure importante de la culture française. Ça raconte l'histoire de France à ce moment-là, le premier empire post-révolution. Comment est-ce qu'on met Paris au pas ? Napoléon était l'empereur de son empire, mais il n'était pas l'empereur de Paris. Et c'est d'ailleurs pour cela que le film s'appelle L'Empereur de Paris, pour désigner Vidocq. Mmh. Donc voilà, on sait pas trop. On sait que Richet, c'est quand même un cinéaste quand même assez engagé politiquement. Ouais. On l'avait vu dans Ma Cité va craquer. Même Méril, c'est quand même un film qui prend position sur savoir si c'était un acte de légitime défense ou un assassinat. Bon voilà, donc c'est toujours des il tranche. Enfin voilà, il tranche. De toute façon, ça sera mieux que le premier Vidocq. Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes là-dessus quand même. Même si c'est juste un film de vacances, ça sera mieux que Vidocq. Un plan fixe, c'est une photo. Ouais, disons que voilà, c'est pas risqué que ça. On prend les paris que ça sera mieux que Vidocq, mais ça reste quand même un projet risqué par rapport aux antécédents de Vidocq. Autre projet risqué. Ouais, c'est un projet qui tourne depuis pas mal de temps. C'est depuis d'ailleurs que le film français est sorti. C'est le remake américain d'Un prophète de Jacques Audiard. Donc, moi, Un prophète de Jacques Audiard, c'est peut-être l'Audiard que je préfère. Ouais, c'est difficile de remake un film pareil, quoi. Voilà, qui est en chantier depuis longtemps. Et en fait, Sony là, espère débuter la production en fin d'année, toujours avec Sam Raimi à la réalisation. Donc, ça, c'est plutôt, on va dire, un gage de qualité. Mm-hmm. Et pour les acteurs, donc, c'est Josh Brolin. Voilà, qu'on ne présente plus, et Michael B. Jordan qui était dans Creed et dans Surécoute, qui jouera donc le rôle de Taha Rahim, tandis que Brolin prendra le rôle de Nils Arestrup. Donc pour resituer Un prophète, c'est dans le milieu carcéral, c'est finalement la façon dont un personnage, comme souvent chez Audiard, va arriver dans un milieu, va comprendre les codes de ce milieu et va utiliser ce milieu pour essayer de sortir grandi sur l'échelle du bien et du mal. On verra s'il va être plus du côté du mal ou du bien. Il y a un côté très Scorsese aussi dans ce film là. Moi j'ai trouvé que c'est un film génial, il y a des inserts un peu aussi de fantastique dedans qui sont vraiment très très bien foutus. Enfin, je trouve que c'est un super film. Là voilà, toujours un remake US d'un film qui était aussi, à mon avis, aussi marquant que ça. C'est toujours risqué, même si Sam Raimi, bon. Sam Raimi, on aime. Enfin, moi j'aime, je suis assez client. C'est celui qui réalise, Sam Raimi, ou il produit ? Non, il réalise. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est facile de se casser la gueule sur un film aussi. Josh Brolin, c'est un peu l'adepte des remakes dangereux, quoi. Il avait fait aussi celui d'Old Boy, de Spike Lee. C'est Spike Lee qu'il avait fait. Ouais. Bah, j'ai pas vu celui-là, mais apparemment. Pas terrible. Bon, passons quand même à ce qui nous intéresse le plus, si ça te va, c'est-à-dire le projet pourri. Qu'est-ce que t'as classé en projet pourri et qu'est-ce qui va faire outrer certains de nos auditeurs? Je pense que je vais pas me faire des amis, c'est-à-dire que quand t'attaques des gens comme Queen ou là, ceux que je vais attaquer, donc en fait, là, moi, j'en trempe d'avance de ce projet, puisqu'en fait, c'est le fruit du travail entre Somme York de Radiohead. Ouais. Quand t'attaques Radiohead, généralement, tu prends très très cher, il faut des boucliers, tu vois. C'est un peu comme quand t'attaques Nintendo dans les jeux vidéo, tu vois, faut te mettre un peu au Christopher Nolan pour le cinéma actuel, tu vois, faut prendre des boucliers, sinon tu te prends une volée d'insultes maintenant, surtout avec les réseaux sociaux. Et Hans Zimmer, bon, j'ai rien contre Hans Zimmer, mais voilà, le fait est qu'il est aussi dans ce projet-là, qui est voilà plus connu pour ses BO. Et en fait, ils vont faire la musique d'un doc écolo-animalier Blue Planet 2. Voilà, donc déjà, Somme York de Radiohead, Hans Zimmer sur un doc avec un truc un peu pour tester ta télé HD pour voir s'il y a des beaux fonds marins, ça fait un peu flipper. Donc moi, je trouve que ça sent un peu le truc chiant. Ouais, donc si ça sent le truc chiant, c'est le truc un peu projet pourri. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc on pourra écouter ça dès mercredi 27, puisqu'ils ont réenregistré Bloom de Radiohead, qui était sur King of the Lamb. Et ils l'ont réenregistré, il s'appelle Ocean Bloom pour l'occasion. Donc ça sera un premier extrait. Je ne sais pas si ça va aller au-delà de cette collaboration. Il va y avoir beaucoup d'autres morceaux pour le film. Mais c'est quand même un projet qui me fait un peu peur. Ouais. Parce que Somme York, je déteste pas Radiohead, mais il a une capacité quand même à être un peu chiant, qui est un peu à l'équivalent de celle de Bono, tu vois. C'est cruel. Oh putain. Non, mais vrai, c'est un peu le même Bono. Moi, je suis outré là. Non, mais c'est un peu le Bono des gens de notre âge. Je suis pas un gros fan de Radiohead, mais je suis outré quand même un peu. Hein. Honnêtement, il voit un peu mieux que ça. Il voit un peu mieux que ça, mais je suis assez d'accord avec Bono, toi pour le coup. Bono, il y a eu des bons albums de YouTube. Moi, j'imagine bien des boom avec la voix de Tom York. Ça va vraiment être. Ces mecs, ils se sont pas cassés, quoi. Donc voilà, j'aaurais pu le mettre dans les projets risqués, mais bon, j'ai choisi. Voilà, j'ai pris parti, je me suis imposé. Voilà. C'est là. Mais tu vois, moi, c'est deux trucs, enfin, c'est deux personnes que j'aime bien, mais tu vois, c'est un peu comme le saucisson, la mousse au chocolat, tu vois, j'aime bien, mais mélanger, j'arrive pas trop à imaginer le truc, tu vois. C'est, je trouve que c'est une bonne comparaison. Oh là là, et là, on est des tarialistes sérieusement, les gars. Là, on balance, hein. Bah écoute, merci Julien pour ces projets, qu'ils soient à vous de débattre sur upcast.fr pour voir s'ils sont pourris, risqués ou est-ce qu'ils vous hype. Je vais repasser la parole à Dim Dim qui a été finalement un envoyé spécial pour ce numéro. Hein. On l'a pas envoyé à New York, on l'a pas envoyé à Los Angeles, on l'a envoyé là où ça se passe dans le cinéma. Et là où ça se passe dans le cinéma, c'était bien sûr à Strasbourg pour le Festival européen du film fantastique où Dim a été et il va nous en parler pendant quelques minutes. Je suis un peu le Tintin ou le Peter Parker. Non, Tintin, c'est bien, ouais. Tintin, c'est. Ça me plaît bien, ouais. Je suis bien Tintin. Tintin, je suis les zombies, quoi. En tout cas, j'étais bien content de me rendre au Festival européen du film fantastique de Strasbourg, qui fêtait cette année sa 10e édition. Alors, pour ceux qui ça ne parle pas, c'est un festival, on va dire, qui est assez proche de celui de Gérard May dans l'esprit. Ça faisait au moins bien 7 ans que j'y avais pas mis les pieds. J'avais peur que le festival ait pris plus d'importance, que les séances deviennent difficiles d'accès, comme celui de Gérard May. Alors oui, le festival a grandi, mais il a toujours un côté très accessible et très bien organisé, où l'on peut voir des films sans faire la queue pendant 2 heures, comme dans les Vosges. Donc il a également grandi dans sa programmation et son contenu. Il propose bien évidemment une sélection officielle tournée sur le fantastique, qui va du thriller à l'horreur ou bien à science-fiction, avec des films comme The Killing of the Sacred Deer, du réalisateur de Lobster, ou encore Laisser bronzer les cadavres par le tandem belge Hélène Katté et Bruno Forzani. Putain, ce titre est génial, quoi. Ouais, Laisser bronzer les cadavres, génial. Et film que j'ai pu voir, donc je dirais en deux mots que c'était vraiment mais super bien réalisé, un gros travail sur les couleurs, et sur tout ce qui est la réalisation, un thriller d'action efficace avec aussi des parties complètement what the fuck, des gros moments d'hallucination. Enfin bref, si ça sort en salle, je vous le conseille fortement. Mais il y a également une compétition appelée Crossover, alors plus ouverte à des thrillers ou des films à la frontière du fantastique. Dans cette compétition, j'ai pu voir Super Dark Time, qui m'a fait penser un peu à ça, justement, qu'on parlait tout à l'heure. Sans éléments fantastiques, hein, c'est plus une menace intérieure, on va dire, dans le groupe d'amis. J'ai malheureusement loupé le film The Villainess, un film qui a l'air complètement dingue, que j'ai pu découvrir grâce à Elohim, hein, qu'on salue. Le film propose aussi une sélection appelée Midnight Movie avec vraiment des grosses séries B bien gore. J'ai pas eu l'occasion d'en voir, c'est dommage, mais ça avait l'air d'être vraiment bien fun à voir tout ça. Et le festival, c'est aussi l'occasion de se faire quelques rétrospectives. Le thème cette année, c'était Humain 2.0, avec la projection de films comme Terminator 2, Robocop, Ghost in the Shell ou Tetsuo. Et vu que le président, c'était William Friedkin, alors on a eu le droit aussi à ses meilleurs films comme L'Exorciste ou French Connection. Et pour finir, le festival propose aussi une large visibilité aux jeux vidéo, avec un atelier consacré à des jeux indés, des conférences aussi, il me semble qu'il y avait une conférence sur le RPG japonais, ou encore des expositions où l'on pouvait tester ou retester la réalité virtuelle. Il y avait également une exposition Star Wars avec des droïdes grandeur nature, dont celui de K2SO, et c'était vraiment pas mal du tout. Mm-hmm. Et donc, pour conclure le palmarès, les grands gagnants, c'est celui qui a eu le prix d'or, c'est Double Date, une comédie d'horreur, on va dire, dans le style de Shaun of the Dead. Okay. Laisser bronzer les cadavres, que j'ai parlé tout à l'heure. Et dans la partie crossover, c'est le film Bitch, avec une femme qui se prend pour un chien, que j'ai pas pu voir malheureusement. Excellent pitch quand même, excellent pitch. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un super festival, et si vous êtes dans les coins l'année prochaine, je vous conseille vraiment d'y faire un tour. Donc c'est en général en septembre, fin septembre, à c'est Strasbourg. Mi-septembre. Ouais, voilà. Mi-septembre à Strasbourg, festival européen du film fantastique, qui vient dangereusement concurrencer Gérard May. C'est bien, bah écoute, c'est cool que t'aies pu y aller. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des trucs genre le RPG japonais, ouais, et bon. Tu vois, pourquoi ils ont pas fait un truc sur le jeu vidéo d'horreur Non. Tu vois, ou je sais pas, ou ça paraissait plus logique, non? Écoute, ouais, je sais pas, les organisateurs. Okay. Mais en tout cas, enfin, tout ce qui est partie jeux vidéo et tout aussi, c'est vraiment super sympa que ça soit vraiment, on va dire, très ouvert à d'autres domaines que le cinéma, quoi. Non, mais tu vois, c'est un peu comme si dans un podcast, des gens parlaient divertissement et jeux vidéo, par exemple. Ouais, n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Vraiment un podcast de merde, ça. En parlant de podcast de merde, Julien, je te remasse la parole. On va parler un peu pour le coup, une rubrique que vous attendez tous. Je le sais, c'est le clash des phrases. Julien, apparemment, a trouvé deux phrases qui se clashent pas mal et va nous les lire. On va ensuite les juger pour savoir laquelle est la pire des deux. C'est dans le milieu musical ? Ouais, j'ai appelé ça « a cup of tea ». A cup of tea. Voilà. Two girls, très, très one classe. Cup. Pardon. Là, le truc, c'est que les gens qui connaissent « Two girls, one cup », ils ont des visions d'horreur. Il y en a deux qu'on vomit, quoi. Et, ouais, parce que... C'est pas grave, je prends le risque. On éditorialise. Qu'est-ce qui vous fait vomir. On éditorialise, les gars, on s'en fout. Oui, donc les deux phrases. Donc la première phrase, je vais la dire. Les gens ont voté, il faut respecter ce vote et aller de l'avant. C'est un choix judicieux. Avoir le contrôle de son propre pays, c'est une bonne chose. Okay. Donc c'est quelqu'un qui parlait du Brexit. Donc c'est un choix judicieux. Répète la phrase. Donc les gens ont voté, il faut respecter ce vote et aller de l'avant. C'est un choix judicieux, donc en parlant du Brexit. Avoir le contrôle de son propre pays, c'est une bonne chose. Je tente Gallagher, toujours. Non, parce que je le dis pas, à chaque fois qu'il y a de la musique et qu'il y a de l'anglais. C'est pas Gallagher. Je vois pas du tout, non. J'ai pas suivi ça. Donc c'est un membre d'un groupe anglais extrêmement connu, peut-être le groupe anglais le plus connu du monde. Alors, Dim, t'as une idée ? L'Odius, là, de Blur, je me rappelle plus de son nom. Ah non, mais plus connu que ça encore, un peu le groupe fondateur de... Ah, c'est Paul McCartney. Alors non, c'est les Beatles, mais c'est pas lui. Ah, c'est... Ouais, il en reste un qui est vivant. Hein. Merde, j'ai oublié son nom, mais ouais, voilà, lui, quoi. Ringo Starr. Voilà, merci, Ringo Starr. Ringo Starr, donc sujet de sa majesté, mais résident à Los Angeles. Hein, donc, voilà. Il pour peut ça quand même ouvrir sa gueule, apparemment. Donc, il a dit qu'il n'avait pas pu voter pour ou contre le Brexit, mais pour lui, c'était un choix judicieux. Donc je le laisse maître de cette... Bon. On ne fait pas de politique, comme on disait dans les débats de Gérard de Suresnes, pas de politique. Donc la deuxième phrase. Je me suis retrouvé avec Chris Martin de Coldplay dans les coulisses à réfléchir à ce qu'on allait jouer ensemble. J'étais un peu mal, j'avais débité tellement de saloperies sur lui, mais il m'a dit « Surtout, n'arrête pas, j'adore quand tu te fous de ma gueule. » Bon, bah écoute, alors là, me surprend. Là, c'est forcément le gars d'Oasis, non ? Ah, voilà, c'est un Gallagher. Donc lequel, Noël, Liam, il y a deux choix possibles. Bah, le pire, là, je sais plus, c'est Noël. Liam. Ah merde, voilà. Je croyais que c'était l'autre. Une chance sur deux. Donc il a dit ça en fait dans Les Un Rock en parlant du concert hommage aux victimes de l'attentat de Manchester. D'accord. Où il s'était retrouvé, d'ailleurs il avait dit d'autres saloperies sur son frère qui n'était pas venu pour ce concert, il a trouvé ça inadmissible. Mais donc voilà, ouais, il s'est retrouvé et on avait notamment parlé des choses qu'il avait pu dire sur c'est Coldplay. C'est drôle que le mec de Coldplay le prenne bien. Oui voilà, c'est que Chris Martin, ou alors tu te dis c'est un mec qui s'écrase, c'est une fiotte comme on dit dans le langage footballistique. Peut-être. Ou alors tu te dis le mec il a quand même une certaine autodérision. Je pense qu'il s'en fout. Il est au-dessus de ça, il compte ses millions. Et, c'est ça, voilà. Il nage dans les billets de 100 dollars si tu veux, donc il s'en branle. Hein. Il s'en fout, il continue à faire des albums de merde à chaque fois. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, voilà. Entre les deux, la pire, je sais pas, elles sont finalement assez gentilles, je trouve en fait. Ouais, elles sont assez gentilles. Enfin, tu vois, elles sont pas monstrueuses. Ouais. Bon, après, je trouve que Ringo, moi j'ai une petite préférence pour Ringo, le côté genre, je suis aux USA, mais je trouve que vous avez bien fait de faire le Brexit, bande de cons. Il y a vraiment un côté foutage de gueule ultime ouais, en fait. C'est clair, pareil. Donc, moi je vote pour celle-là, donc voilà, ça sera Ringo Starr le champion. Moi je voulais quand même en profiter dans le clash des phrases. Alors là, c'est pas vraiment dans le clash, mais pour vous citer une autre phrase où ça a un petit peu balancé, hein, à vous de voir si vous la trouvez violente ou pas. Hein. C'est un peu pour toi, Dim, finalement, je l'ai sélectionné. Je la cite. C'est « Je travaille sur plein de choses. Est-ce qu'elles verront le jour ? Je ne sais pas. Vous savez, des gars comme Joe Dante, d'autres réalisateurs et même moi, nous sommes dans la même position. Les studios n'engagent pas des gens avec des opinions. Ils se disent « Il sait ce qu'il fait, alors on ne va pas l'engager. Regardez ce qui se passe avec Star Wars. Ils n'arrêtent pas de virer des gens. Phil Lord et Chris Miller, ces deux types-là sont très talentueux. Ce sont des gars originaux et vraiment marrants. Ils ont dû tourner 75% d'un film. Je vous le dis, ça en dit long sur le nouveau Lucasfilm. Combien de réalisateurs ils ont viré ? 4. Combien de scénaristes ? 12. C'est John Landis. Ouais, c'est John Landis. Ah ouais. J'aurais dit Michael Bay, moi. Non, c'est John Landis qui était assez apparemment remonté contre. Et il est remonté en ce moment, John Landis. Ouais, il est remonté, l'avait déjà cité la dernière fois dans le podcast. Ouais, il a un peu taillé Star Wars, il faut dire qu'il y a eu pas mal de départs. Hein. Bon, c'est pas une perche tendue vers toi, Dimitri, pour que tu nous parles de Star Wars, mais si t'as envie de faire une petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements hein, en ce moment chez Lucasfilm. Ah bah écoute, ouais, c'est clair que. Bon, après. J'ai pas envie non plus de mettre toute la faute sur Lucasfilm et Kathleen Kennedy parce que bon, ça fait. J'ai l'impression que les gens la découvrent par rapport à Star Wars, mais ça fait des années et des années qu'elle est dans le métier. Je pense que voilà, c'est peut-être aussi la faute à pas de chance, voilà, quoi, qu'il y ait plusieurs réalisateurs avec qui ça n'a pas marché. On souhaite que les prochains restent, quoi, on va dire. Ouais. On va passer à une autre rubrique qu'on avait déjà, qui avant de terminer la partie divertissement, mais cette fois-ci, ça ne sera pas exactement pareil. On va la faire un petit peu au milieu. Enfin, vers les il y a d'autres trucs encore. Parce que il y a l'heure des trailers, là. Attention. Ah, mais on a le spotlight sur nos Spotify. Bah, oui, il y a encore ça. D'accord. Après, justement, là, on est à peu près au milieu. Je la mets là. J'avais une nouvelle rubrique pour finir la partie. Ah bah d'accord. Donc, la partie divertissement, tu veux dire ? D'accord. Bah là, on n'a pas fini la partie divertissement. D'accord, j'en parle après. Donc, c'est un peu nouveau pour tout le monde. Faut qu'on trouve nos marques. Non, c'est juste que je savais pas quand faire l'heure des trailers, je me dis maintenant. Bah, on s'est échangé des trailers, comme d'habitude, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc on se met quelques trailers, on vous remet les liens sur upcast.fr si vous voulez aller les voir. Et on nous dit si ça nous a un peu hypé ou pas. Tomb Raider, je pense que c'est Dim qui a dû nous le partager. Ou c'est moi, Pas du tout. C'est toi. Oh putain, Julien. Alors là, le sacrilège. Belle formule, j'ai bossé. Quoi. Ouais, t'as fait un truc de dingue. Tomb Raider, donc t'es hypé toi apparemment. Bah, oui, en fait, étonnamment. C'est-à-dire, je trouve que c'est un peu basé sur ce qui était aussi la nouvelle pas trilogie, mais la série. Il y a déjà eu deux épisodes du jeu vidéo. Ah, notamment avec le bateau là. Voilà, qui était beaucoup plus Uncharted. Ouais. Ce qui est marrant parce que Uncharted était très Tomb Raider à une époque et est devenu un peu moins. Et en fait, j'ai trouvé que Alicia Vikander, en plus d'être très jolie. Ouh là là, oui. Elle est. Non, mais je la trouve vraiment parfaite. Je trouve qu'elle dégage quelque chose d'au-delà de jolie en fait. Ouais, ouais, non, elle a l'air d'être Lara Croft quoi. Voilà, c'est clair que. Et tu vois, c'est pas qu'une plastique. Je trouve que dans la façon dont elle le joue, t'as l'impression qu'elle y croit. Mm. Donc moi, le trailer, peut-être que le film sera pourri, mais je croyais au trailer. Je pense qu'il sera pourri, ouais. moi, bizarrement, comparé à vous, bon, alors ok. Je trouve que c'est une bonne actrice, mais j'arrive pas à la voir en Lara Croft. Enfin, je trouve qu'elle ressemble pas du tout au personnage, quoi. Bah, elle ressemble au personnage des reboots. Ouais. Ouais, ouais, non, mais je sais, j'ai fait les reboots, mais je sais pas, j'arrive pas à la voir dedans. Alors après, je pense que c'est suffisamment une bonne actrice pour que ça soit convaincant, mais on va dire, au niveau du visage, j'arrive pas à trouver Lara Croft, quoi. Bah, de toute façon, on se fera une opinion. Et je sais pas si vous aviez vu, il y avait une polémique, il y a beaucoup d'internautes qui avaient un peu, on va dire, un peu dit de la merde par rapport à ce trailer-là, comme quoi l'actrice n'avait pas assez de gros seins pour interpréter Lara Croft. Et je trouve ça vraiment ridicule, quoi, parce que bon, j'ai l'impression que le public geek, il est jamais content, quoi. Pour une fois que là, ça a l'air d'être une vraie actrice. La nana, vraiment, elle est oscarisée, la nana, hein, là, un Oscar. Voilà. Elle est vraiment investie dans le rôle, et non, les gens gueulent encore, quoi. C'est n'importe mais tu quoi. Vois, en plus, que je trouve que quand tu vois le trailer, tu te dis qu'ils n'ont pas cherché à faire un truc où genre elle est bonne, quoi. Non. Tu vois, tu te dis, moi j'ai trouvé que tu sentais l'énergie et tu sens qu'elle a pris un plaisir à tourner et moi je la trouve presque parfaite dans ce rôle de Tomb Raider, de Lara Croft, alors, qui ressemble ou qui ressemble pas, mais au moins tu te dis, tu vois, il y a pas, alors, j'ai pas vu, ou peut-être j'ai mal vu dans le trailer, mais j'ai pas vu des plans sur ses seins, sur ses fesses, enfin j'ai vu que voilà, elle avait une espèce d'énergie, elle envoyait quoi. Mm. Et c'est ça, moi, qui m'a convaincu dans le trailer. Après, c'est un trailer, hein, comme on dit, peut-être le film, c'est ça, une grosse merde. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt engageant. Petite mention spéciale aussi, je crois que le méchant sera interprété par Walton Goggins, un super acteur qui a joué dans The Shield, dans les derniers Tarantino aussi. Et je trouve que ça fait toujours plaisir de le voir, lui. Ah ouais. Oui, très bon. Ouais. Donc résultat, enfin, on aura le verdict le 14 mars 2018. On a quand même encore un petit peu de temps avant de juger finalement Tomb Raider sur pièce. Downsizing comme trailer, un film avec, comment il s'appelle, Matt Damon. Matt Damon, merci. Donc ouais, où on réduit les êtres humains. Parce le remake du film de Dujardin. Un homme à la hauteur. Le remake américain d'Un homme à la hauteur. Voilà, on réduit les gens pour que ça ait moins d'impact finalement sur l'écologie, etc. Puis on voit un petit peu ça. Alors je sais pas trop si c'est un film qui a un message politique ou si c'est un film comique ou pas, ou les deux peut-être. Donc c'est Alexander Payne, hein, moi je me souviens du parce qu'il avait fait dans Paris Je t'aime, dans des courts-métrages, il avait fait un des courts-métrages. Ah ouais. Et c'est lui qui faisait Sideways aussi, le film sur le vin. Enfin, il y a eu 10 films sur le vin. Mais, qui avait plutôt marché, ouais. Ouais, c'est-à-dire que je trouve que l'idée, elle est assez intéressante. C'est-à-dire, c'est l'idée de réduire comme ça, finalement, si tu réduis ta taille par rapport à l'argent que tu as, tu vas être beaucoup plus riche, en fait. Ouais. Parce que tu vas avoir beaucoup moins de choses à dépenser, tu vas beaucoup moins à la fois consommer et à la fois dépenser. Je trouve que le pitch marrant maintenant dans l'exécution. Je sais pas trop ce que ça peut donner, quel ton va prendre le film. Ouais, ouais, c'est exactement pareil. Ouais. C'est moi qui l'avais sélectionné. Je trouve que l'idée de base, elle est vraiment géniale. Je trouve ça terrible. En plus, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime bien. Parce qu'il y a aussi Jason Sudeikis, il y a Kristen Wiig. Ouais. Mais moi, ce qui me fait un peu peur, vu que c'est un sujet un peu SF, c'est que le réalisateur là, je trouve que voilà, même s'il a fait des films corrects, enfin plutôt des bons films, il a pas vraiment une réalisation transcendante, et je me dis, j'ai un peu peur que ça soit un peu plan-plan à force, quoi. Ouais, c'est vrai que la bande-annonce, en tout cas, laisse pas trop présager de quel type de film on va vraiment voir. Tu sais pas si c'est une espèce de comédie ou de l'anticipation. Ouais, ou bizarre. Bon, en tout cas, c'est le 10 janvier 2018 pour le coup qu'on verra ça. Ensuite, il y avait quoi d'autre? The Punisher. Bon. Est-ce que c'est vraiment la peine d'en parler? Eh les gars, c'est moi qui l'ai choisi. Ah bon? Mais l'acteur, on dirait un mec, tu sais, qu'ils ont trouvé dans une cité là. Ils te l'ont mis là, il a le charisme d'une huître. Oh. Ah mais c'est impossible. La violence. Ah, non, mais on dirait un mec, tu sais, qui était maître chien, tu sais, les maîtres chiens que tu veux dans les parkings. Et ils se sont dit, putain, elle met là. C'est pas possible. Non, mais un peu de respect, là, s'il te plaît. C'est John Bertal. Non, franchement, il est vraiment cool. Enfin, dans la saison 2 de Daredevil, franchement, il explosait tout, quoi. Il bottait des culs et tout. Il était vraiment, je sais pas, il était dans le rôle, mais au taquet, quoi. Puis, bah, moi, l'acteur-là, le Punisher, je trouve que c'est un comics qui est vraiment... Enfin, qui envoie quand même bien. En plus, voilà, il... Ah, les arguments de Bim. Ils savent vraiment bien me parler. Ils mettent du Metallica sur la bande annonce. C'est génial. Donc voilà, non, moi je l'attends. Là, j'ai repris foi après The Defender dans les séries Marvel Netflix. Tu sais quand c'est ou pas ça, The Punisher? C'est toujours pas annoncé, mais alors il y a une grosse rumeur comme quoi ça devrait arriver en octobre, donc très prochainement. Oula, ouais, donc c'est là, c'est bientôt. C'est 2017 quand même, hein, donc on l'aura avant la fin de l'année. Bon, bah, tu vois, Metallica plus Punisher, moi c'était direct projet pourri. Hein. Enfin, le Metallica actuel, on va dire. Hein. Forcément, écoute, hein. Prochaine fois que je viens sur Paris, on va à la Lucha Libre, le bar où on peut faire du catch, et on réglera notre différend. Sur du Metallica. Putain, les gars, on fait payer les entrées avec le podcast, et ça y est, on est enfin rentabilisé ce podcast de merde. Bon, ensuite, c'est Better Watch Out que j'ai. C'est moi, je crois qu'il est mis celui-là, je sais plus. Comme bande-annonce d'un film un peu d'horreur, un peu déjanté. Ouais. Ouais. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais apparemment, c'est un film qui est assez curieux. Donc, moi, j'ai plutôt apprécié le trailer et je te remercie de me l'avoir fait découvrir. En plus, c'est marrant parce qu'en regardant le trailer, je disais, ouais, c'est vraiment. On va dire Maman, j'ai raté l'avion, un peu en version plus trash. Ouais, exactement. Et, c'est ce qu'ils annoncent un peu à la fin du trailer, Home Alone versus The Strangers ou un truc comme ça. Et c'est un peu ça, quoi. Ouais, pourquoi pas, ça a l'air d'être cool. Voilà, puis en fait, ce qui m'avait donné envie de le partager, donc vous irez voir la bande-annonce sur upcast.fr, c'est que aussi les gens, quand ils sont sortis de ce film, apparemment, a eu des critiques, mais ultra divisées. C'est-à-dire, genre, les gens mettaient 0 ou 10 sur 10, tu vois, dans les notations. Il y a eu personne qui a mis 1 ou 9 ou 8 ou 7. Tout le monde a mis soit 0, soit 10. Donc apparemment, c'est genre très tranché. Moi, je suis assez curieux, la bande-annonce, j'ai trouvé assez drôle, donc je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à voir. En plus, ça part un peu comme une comédie romantique. Oui, enfin, pendant 30 secondes de la BO, et après, c'est complètement... Moi qui n'avais jamais entendu parler du film, c'est clairement ça. Je me suis dit, oulala, qui c'est qui a choisi ça? C'est quoi c'est encore le Greg. Non, Greg, il t'a mis un autre bon film après dans les bandes annonces. Il t'a mis Jumanji, porte-plaisir. Et on le remercie, Greg. Et on le remercie parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film du calibre d'un triple X. Oh là là, tu vois, d'un énorme. Putain. Moi, les gars, je vais peut-être pas non plus me faire des amis ce soir, mais je suis vraiment pas fan du film d'origine. J'ai jamais été trop fan non plus de Robin Williams. Et celui-là, je sais pas, je trouve qu'il a l'air vraiment plus fun. Alors je dis pas que ça va être un bon film. C'est parce qu'il y a le rock. Il y a le rock, je l'aime bien. Il y a Kevin Hart, j'aime bien. Il y a Jack Black qui me fait marrer. En plus, il joue le rôle, il est enfermé. Enfin, c'est une gamine qui est enfermée dans le corps de Jack Black. Je pense que ça peut être drôle. Moi, je suis un petit peu amoureux de Karen Gillian, donc bon, voilà, ça aussi, ça peut aider. Ça peut aider. J'irai le voir quand même avec plaisir. Ça a l'air bien ridicule en tout cas. En fait, ça a l'air suffisamment con pour être marrant. Ouais, presque. Mais en même temps, c'était un peu pareil avec Baywatch et c'était pas le cas au cinéma en fait. tu vois. Donc bon, 27 décembre 2017 pour ça. Et enfin, c'était. Il y en a d'autres encore. Attends, je suis perdu. Excusez-moi. Isle of the Dogs. Forcément. Donc le nouveau Wes Anderson. Le nouveau Wes Anderson. Qui revient à l'animation, je ne sais pas si c'est de la stop motion, je ne sais pas quelle technique il a utilisé. Il l'avait déjà fait, pour Fantastic Mr. Fox adapté de Roald Dahl. C'est très minimaliste comme animation, c'est très barré comme du Wes Anderson. Je ne sais pas trop quoi en penser à voir la bande-annonce. Moi non plus, la bande-annonce, je l'ai trouvée sans. Et pourtant, je suis assez client de Wes Anderson, un peu chiante. Presque. Un peu chiante. Longue, un peu chiante. Je ne voyais pas trop où il voulait en venir en fait. Non, ça ne dit pas vraiment ce qui va se passer, ça te dit un peu, mais sans plus. Bon, après, c'est du Wes Anderson, donc. C'est beau, les plans sont sympas, il y a une musique marrante. Mais là, c'est très minimaliste dans l'animation. Ouais, les voix sont très sympas, il y a un casting, mais c'est n'importe quoi. Là, il y a juste tous les acteurs d'Hollywood qui sont dedans, donc voilà. Mais bon, est-ce que ça peut trouver son public, quoi, tu vois. Ça a l'air sympa, mais je trouve qu'il a toujours un peu du mal à se renouveler. Hein. Je reprends un peu les paroles du podcast 2 heures de perdu, où justement il disait qu'on n'était pas obligé de revoir un film de Wes Anderson, vu qu'à chaque fois qu'il en sort un nouveau, c'est toujours un peu le même. Bon, alors, je trouve que c'est un peu un troll facile. Mais il y a quand même un petit fond de vérité. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord non plus parce que pour le coup, j'aime plutôt pas mal ce qu'il a fait. Tu vois, par exemple, La famille Tenenbaum ne ressemble à aucun de ses autres films, tout comme L'Hôtel, le dernier là. Ouais, Budapest Hôtel. Ouais, mais c'est pas Moonrise Kingdom, c'est génial. Dans la façon, enfin dans la façon dont le film est fait, je trouve que c'est toujours un peu visuellement, les... ouais, visuellement, ouais, voilà, c'est toujours un peu les mêmes styles, les de petits film, montages, les petites musiques, les avec la petite musique, on va dire la variété française des années 70 ou des choses comme ça. C'est pas faux ça. Ça non, pour le coup il y a des clichés. Tu vois, contrairement par exemple à un Tim Burton, c'est-à-dire deux réalisateurs qui ont un style vraiment très marqué, très défini, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive justement dans ce style très marqué à quand même un peu changer ses gammes et à quand même arriver à se renouveler ou du moins à faire des films assez différents les uns des autres. Après forcément quand t'es des réalisateurs qui ont une telle patte ouais. graphique, c'est compliqué en fait que le film d'après ressemble pas à celui d'avant. Toi, le souci de Tim Burton, c'est qu'il fait beaucoup plus de films aussi, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est peut-être aussi un problème. Et des films de merde aussi. On peut... Ça, c'est un gros souci. Alors que Wes Anderson, tu peux pas vraiment dire qu'il ait fait des films de merde. Pour l'instant, moins en tout cas. Moins. Il pourrait glisser, hein. Il pourrait facilement ouais, glisser. Ouais, d'accord. Là. Ouais, si on lui file la planète des singes. Non, je pense qu'à un moment, tu te lasses. Ça serait génial. En fait, c'est comme tout, tu vois. Je sais pas, Sofia Coppola, à un moment donné, t'en as marre de voir fois le même film. T'as un moment, un film un peu charnière qui fait que si t'en as trop vu, bah, tu bascules. Moi, c'était Somewhere pour Sofia Coppola. Puis, à un moment, Wes Anderson. C'était son premier film pour Sofia Coppola, je m'en souviens encore. Donc maintenant, je suis moins pressé de les voir. Mais Wes Anderson, je reste quand même toujours curieux de. Ouais, pour le coup, je suis assez curieux aussi. Je sais pas si j'irai le voir, très honnêtement. Il va falloir me hyper encore un peu plus. Je propose qu'on accélère un peu, parce qu'on avait dit une heure, hein, les gars, pour la partie divertissement. Et on en est bien, pas est tout bien. À fait là. Donc, allons-y pour la partie. Une partie un peu. Une, comment t'appelles ça déjà un écuisson, je sais plus comment t'appelles. Une bastille, excusez-moi, une pastille musicale, cette voilà. fois-ci, une pastille musicale de 2-3 minutes, tu as marqué. Wow. Oui, donc, un album, c'est un album en 5 questions. Oui, donc j'ai appelé ça Spotlight voilà. sur nos Spotify. Spotlight, excuse-moi, je voulais mettre. C'est important les titres quand même. Ouais, je me casse le cul à aller chercher Spotlight sur nos Spotify. Je brainstorm pendant la journée de boulot. T'as déjà trouvé mieux que Spotlight sur Bravo. Au début, c'était sur nos platines, mais comme plus personne n'a des platines, j'ai été obligé de changer. Ça fait hipster. Donc voilà, l'idée c'est de parler d'un album en 5 questions. Alors vas-y. Donc la première question. Qui non, c'est bah qui de qui tu nous parles. J'ai envie de te dire, je vais vous parler d'Ariel Pink. Donc Ariel Pink, bah, c'est qui? C'est un Californien de 39 ans. J'en ai déjà parlé ici à l'époque de Pom Pom, j'y reviendrai. Donc il est actif depuis le début des années 2000, puisqu'on l'avait connu à l'époque en 2003, puisqu'il était signé sur le label d'Animal Collective, Paw Tracks. Donc Animal Collective, quand même, un peu l'empire de la hype. Donc forcément, quand c'est signé chez eux, ça parle à beaucoup de monde. Donc physiquement, c'est un croisement entre Philippe Catherine et un Kurt Cobain des mauvais jours. Je dis des mauvais jours, mais je ne sais pas s'il y a eu tellement des bons jours dans la vie de Kurt Cobain. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est barré, un peu hippie, complètement foutraque. C'est un génie pour les uns. Moi, je suis plutôt dans la catégorie où qui considère que c'est un génie et d'autres que c'est une sombre merde pour les autres. Il a eu quelques positions dont j'avais parlé à l'époque un peu particulières. Donc après... L'album et sa place dans la discographie de l'artiste, Julien. Tu peux nous en parler? J'aime bien quand tu me passes les plats. Alors, je ne saurais pas vraiment dire le combienième album c'est d'Ariel Pink, puisqu'il en a fait énormément. Ouais, il produit. Peut-être le 8e ou le 10e, enfin, ce n'est pas très important. Donc, il s'appelle Dedicated to Bobby Jameson. Donc, en fait, il fait suite à un album qui était assez important pour Ariel Pink, qui est Pom Pom, dont j'avais parlé ici, que moi j'avais classé dans les meilleurs albums de l'année 2014. C'est un disque qui explorait vraiment des genres, des sous-genres des années 80, pas vraiment ce qu'on voit dans ce que les groupes utilisent des années 80, c'est-à-dire Cure, Depeche Mode, New Order. Lui, c'était plutôt les sous-genres, c'était plutôt le gothique, voire le death metal. C'est un gros fan de Morbid Angel. Même parfois des trucs très, très, très, très punk. Donc, il mélangeait ça. C'était un disque qui était très foutraque, très sexuel, grandiloquent. Et là, Dedicated to Bobby Jameson, c'est un peu le négatif du précédent. Alors, en plus calme, en plus introverti. Alors, c'est à l'échelle de Ariel Pink, hein, c'est pas non plus du Vincent Delerme. Il n'est pas non plus devenu neurasthénique. Et le Bobby Jameson du titre, en fait, c'est un chanteur des années 60, une sorte de loser magnifique qui est un peu oublié, on va dire maintenant, qui a fini SDF, qui a fait deux overdoses non mortelles, qui est mort il y a quelques temps. Et aussi, il avait notamment, j'ai lu ça, un manager qui était condamné à 127 ans de prison. Pas mal. Tu sais, aux États-Unis, les peines sont cumulables. C'est pas mal. En France, tu prends une peine, je sais pas, 35 ans maximum. Là, ils peuvent les cumuler. Donc lui, c'était 127 ans. Il ressemblait un peu entre Arthur Lee de Love, j'avais parlé une fois de Forever Love ici, et Colin Bunston des Zombies. Donc pour ceux qui connaissent un peu les zombies, un peu plus connus aussi que peut-être que les Love. Voilà, dans cet esprit-là, un mec un peu oublié, une sorte de génie oublié, comme les aiment forcément tous les hipsters et les bobos dont je fais partie. Complètement. Voilà. Donc la deuxième question. Donc ensuite, troisième question. J'aimerais bien savoir où est-ce que tu en es personnellement avec cet artiste. Voilà, parce qu'en fait, moi je trouve que dans les critiques, ce qui est important, c'est de savoir d'où vient la subjectivité des gens. C'est-à-dire, à un moment, d'où je parle. C'est-à-dire que Moi, par exemple, Ariel Pink, je suis plutôt dans la case, on va dire, des adeptes. Ouais. Donc, si je te parle d'Ariel Pink, je vais avoir ma subjectivité, elle va me dire que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, l'album, je vais l'orienter de telle manière. Si finalement, tu vois, Radiohead, j'aime pas, je vais en parler de certaines manières. Donc, c'est toujours important quand tu parles d'un artiste de savoir de quelle position tu parles, d'où tu parles. Et Pom Pom, c'était un des mes disques préférés de ces dernières années. Forcément, un artiste que tu suis avec affection et pour lequel tu as un préjugé positif quand tu vas écouter cet album. Tout à fait. Après, je peux être déçu par l'album. Bien sûr. Voilà, c'est encore plus, presque. Encore plus, tu peux être déçu. Mais voilà, c'est un album que j'attendais. Je l'ai vu notamment en concert à l'époque, et voilà, c'est un disque que j'attendais. Donc après, alors pourquoi il faut l'écouter du coup cet album? Bah en fait parce que je trouve que Ariel Pink c'est un des rares barrés de l'industrie. Alors il est parfois difficile à suivre, je parlais tout à l'heure de sa personnalité un peu particulière, même musicalement c'est un enfant du punk, du métal, du gothique, de la pop, et en fait voilà, je revenais à ce que je disais tout à l'heure, il prend en fait non pas les années 80 avec les évidences qu'on a toujours, mais avec les sous-genres, les groupes un peu moins connus, donc ça peut être du Bauhaus, ça peut être du Christian Death, ça peut être du Layback pour le côté un peu plus indus, ou je parlais de Morbid Angel, le death metal californien qui est pas forcément le genre le plus représenté aujourd'hui dans la pop musique, et on va pas non plus rencontrer soit des voix gutturales, soit des riffs ou de la double grosse caisse à foison sur les albums de pop, et même des trucs un peu gothiques sombres. Moi j'ai presque retrouvé des trucs un peu à la Sepultura Eternus dans Santa in the Closet. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui Ariel Pink il est un peu à son moment d'inspiration, un peu comme l'était je sais pas si tu connais un peu Off Montréal. Ouais. Et à l'époque où il a sorti, où Kevin Barnes a sorti Hissing Fauna, donc qui était un peu son grand succès qui l'a fait exploser. Les 2-3 albums après, il était vraiment sur ce fil-là. Il a un peu tiré le fil de Hissing Fauna. Il a fait, moi je trouve, 2-3 albums après qui étaient vraiment magnifiques. Et après, il a un peu rentré dans le rang, on va dire. Mais je trouve que Ariel Pink, il est un peu là au même moment. C'est-à-dire, son Pom Pom, c'était un peu son Hissing Fauna. Et là, il est en train de tirer un peu ce qu'il avait fait. Donc c'est pour ça que c'est un album qui ressemble un peu et en même temps qui s'en écarte un petit peu, qui est peut-être un peu plus introverti, plus calme, plus doux, plus mélancolique que Pom Pom qui était complètement extravagant. Et alors du coup, est-ce que tu as 3 titres à nous donner à écouter quand même sur cet album? Si t'as pas trop de temps, tu veux pas écouter tout l'album, et donc en fait j'ai choisi le triptyque pop, c'est-à-dire 3 titres vraiment qui sont dans le même moule, qui sont assez calmes, assez mélancoliques. Donc il ouvre l'album, le deuxième morceau c'est Feel Like Heaven, où là il a un côté un peu crooner, un peu crâneur façon chanteur des années 80, façon un peu chanteur goth des années 80, avec une mélodie vraiment, moi je trouve, imparable. C'est presque un single en puissance. Le meilleur morceau de l'album c'est Another Weekend, c'est au milieu, qui sonne un peu comme du Conan Moccasin, c'est-à-dire un côté très suave avec des trucs très des sonorités un peu aquatiques comme fait souvent Conan Moccasin. J'en ai parlé ici, donc je pense que les gens peut-être connaissent un peu Conan Moccasin. Ouais. On va dire ceux qui te suivent avec une assiduité imparable. Voilà, c'est une sorte de chanteur de soul mais un peu suave, un peu bizarre. Et enfin Do Yourself a Favor, qui est très très simple, très très folk, qui est peut-être le morceau qui est le plus dans l'esprit de Bobby Jamison en fait. Et moi j'aurais bien vu pour conclure l'album avec ce morceau Do Yourself Favor. Alors il choisit un morceau beaucoup plus punk qui n'est pas forcément représentatif de l'album, mais voilà, je trouve ces 3 morceaux, ils donnent un peu la couleur générale, ils sont situés au début de l'album, au milieu et à la fin, et finalement ils encadrent un peu l'album sur ce côté un peu plus introverti, un peu plus mélancolique. Maintenant si vous aimez Pom Pom, voilà, il y a quand même des morceaux complètement barrés, des trucs avec des sons un peu presque 8 bits, voilà, ils mélangent un peu tout ça dans un truc un peu années 80, donc c'est un très bon disque, moins important que Pom Pom. Voilà, si vous ne connaissez pas, il faut mieux commencer par Pom Pom, mais c'est un bon Ariel Pink. Eh ben écoute, merci pour cet Ariel Pink. Et t'es pas le seul à vouloir nous parler de musique dans nos spotlights sur notre Spotify. Il y a Dimitri également qui voulait nous parler d'un album. Alors de qui tu vas nous parler, Dimitri? Alors moi, ça sera sûrement plus rapide que Julien, parce que c'est un groupe très connu, c'est les Foo Fighters. Ouais. Donc là, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est le groupe de Dave Grohl qui a notamment été batteur chez Nirvana, mais pas que. Hein, il a collaboré avec plusieurs grands noms, Queen of the Stone Age, hein, qu'on parlait la dernière fois, ou Nine Inch Nails. Donc avec son groupe, les Foo Fighters, pour moi, c'est peut-être un des plus grands groupes de rock, hein, si ce n'est le plus grand, qui alterne, des morceaux bien énervés, des morceaux beaucoup plus mélodiques. Ouais, effectivement. Là, c'est l'album, s'appelle comment ? Alors à la rentrée, ils sortent leur nouvel album, hein, qui s'appelle Concrete Gold. Ouais. C'est un album que j'attendais beaucoup, parce que j'avais hyper accroché aux 2 singles qui étaient déjà sortis cet été, qui s'intitule Run et Sky is a Neighborhood. Run avec un côté bien agressif, mais qui reste quand même assez mélodique. Et Sky is a Neighborhood, qui pour moi est déjà devenu un grand classique du rock. Enfin, c'est vraiment un bon morceau avec une mélodie bien accrocheuse. Ouais. Sinon, où j'en suis personnellement avec cet artiste, je suis bien content du retour des Fighters avec un album, on va dire, qui leur ressemble plus que l'album précédent qui s'appelait Sonic Highways, où c'était un album concept en 8 morceaux, où il y avait pas mal de titres qui faisaient un peu rock FM, enfin vraiment trop rock FM, je trouvais que ça leur ressemblait pas trop et ça avait un peu pas mal déçu les fans. Ouais. Là, je trouve qu'ils reviennent vraiment. Enfin voilà, pourquoi j'écouterais cet album? Parce que voilà, ils reviennent vraiment aux affaires avec vraiment des morceaux qui les ressemblent, des morceaux bien énervés, mais vraiment avec un gros sens de la mélodie, quoi. Enfin voilà quoi, Dave Grohl, c'est toujours vraiment quelqu'un qui arrive toujours à trouver des titres et des mélodies bien bien accrocheuses, quoi. Ouais, notamment il y a peut-être des titres. Enfin, j'imagine là tu nous as parlé déjà de titres qui t'avaient bien marqué, comme Run par exemple. Est-ce que c'est les trois titres que tu choisirais pour écouter sur l'album là? Ouais, bah Run, Sky is a Neighborhood que j'ai déjà évoqué, et, un morceau on va dire un peu mi-teinte, pas vraiment une balade, mais qui enfin il y a qui aussi un petit peu énervé, qui s'appelle Dirty Water, qui est vraiment très bien, où là je trouve qu'il chante super bien sur cette chanson là quoi. Donc ouais, c'est vraiment un bon album, j'ai trouvé, je vous le conseille. Il me semble que c'est les Fighters qu'on a choisi qui concluront le podcast en fin de podcast, pourquoi ou, pas je sais pas. Pas vraiment. T'as choisi, pas tranché mais... finalement. Je croyais que vous aviez discuté de ça ensemble avec Julien. Si on pouvait mettre un petit Sky is the Neighborhood, ça m'irait très bien. J'avais pas. Excuse-moi, voilà. Julien, si je coupe l'herbe. Non, pas, c'est un peu comme les un peu comme les pénalties au PSG, savoir si c'est Neymar ou Cavani qui les tire. Voilà, donc c'est beau. Après, vu qu'on fait des podcasts plus courts, maintenant on peut peut-être mettre deux. Ça va suffire, les gars. Non mais ça me va les Fighters, mais. Ce que tu disais me faisait un peu peur quand on dit un groupe revient aux affaires. C'est-à-dire que tu vois, tu te dis, c'est pas trop où ils allaient avant et ils vont revenir aux affaires. Ça me fait penser à tous les Metallica où on dit, ils vont revenir à faire du trash metal, tu vois, ça va être extraordinaire. Finalement, tu te tapais quoi, Reload. Pour moi, Foo Fighters, ils ont vraiment eu qu'un album où ils sont égarés, c'était l'avant-dernier. Après... Je connais moins. Le coup. Celui-là est assez réussi. Hein. Celui-ci, vraiment. Non, mais j'ai toujours peur quand un groupe revient aux affaires. Ça veut dire qu'à un moment, ils sont allés dans une voie et ils ne savaient pas trop pourquoi ils allaient là et ils reviennent après. Ouais. Tu vois, donc, ils sont plantés. Voilà. Quitte à se planter, autant se planter jusqu'au bout. Je crois qu'on finit la partie divertissement avec les 15 prochains jours au cinéma. Ah non, parce que moi, j'ai une nouvelle pastille. Le pitch parfait. Ah d'accord, donc elle est officielle celle-là. D'accord. Ah oui, je ne sais pas ce qu'elle va donner. Peut-être que personne ne l'entendra jamais si c'est trop mauvais. Mais... J'avais pas compris. Ouais, je vais peut-être la couper. Hein, je me le note. Alors en fait, l'idée, c'est je vous donne un pitch d'un film qui va sortir là dans les je sais pas, 15 prochains jours ou le mois d'après. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est d'imaginer ce que peut être ce film. Oh putain. Ça pas forcément, dur, pas forcément de trouver. Ah non, bah non. Pas forcément de trouver à quel film le pitch appartient ou de savoir avec qui c'est, mais simplement d'imaginer un film à partir de ça. Oh donc ça peut être, je sais pas, vous imaginez un Tarantino Movies ou vous imaginez, je sais pas, un film avec The Rock. Un film, voilà. Je pense qu'on va partir là-dessus à chaque fois. Ou Elohim, par exemple, je pense que lui, il imaginera des Apatow Movies. Voilà, des... Ah bah, Elohim, si tu nous écoutes. Hein. Donc, je lis le pitch. Je prends un pitch très court, hein, exprès, sciemment. Okay. Donc, La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d'écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l'aide d'Olivia, une romancière connue. Oh putain, ça a l'air chiant. Donc, est-ce que c'est un spin-off du dernier train en gare de La Ciotat ou... Non, pas du tout. Ça a l'air chiant. Je vois bien Marion Cotillard dans le rôle de l'écrivain connu déjà. Alors, qu'est-ce que t'imaginerais toi, Greg, comme ouais, un truc un peu comme ça, tu sais, un truc avec des plans assez longs. Où tu te fais un peu chier, avec des dialogues un peu ridicules, tu vois, genre, c'est pas comme ça qu'il faut que t'écris, il faut que tu mettes ton âme dans tes vers, tu vois, un truc nul, quoi, avec des platitudes récitées par une Marion Cotillard qui s'est même genre pas... Genre le cercle des poètes disparus, quoi. Ouais, mais à la française, tu vois, donc encore ou pire. Ou Esprit Rebelle. Ouais, entre Esprit Rebelle et le cercle des poètes disparus, mais à la française, avec, tu vois, un gamin des cités qui est là, qui a un talent, mais qui le sait pas, parce que finalement, son père le battait, tu vois. Et un petit gamin, finalement, tu sais, un peu le mec, je vois bien le gars qui avait eu l'espoir masculin. Là, qui avait joué dans La Tête Haute, tu vois, un truc, un acteur un peu comme ça, tu vois. Un peu une révélation entre amateur et voilà, professionnel. Mais là, ça serait raté. Tu vois, genre, il serait nul. Donc, toi, ça serait un film français movies, quoi. Ouais, un film français assez mauvais. Ah bah, là, complètement. Ouais. Ah ouais, tu vois pas The Rock, Dim. Ah non, là, je le vois pas. Là, tu vois. Et si tu l'imaginais, ça serait quoi un film comme ça avec ce scénario-là et The Rock dedans, quoi. Oh putain, ça serait génial. The Rock, il casserait les stylos, tu vois. En même temps, il y avait un Fast and Furious où tu le vois, il est derrière un bureau, puis il tamponne des trucs, tu vois. Oh mais putain. C'est hyper ridicule de voir le Rock travailler dans un bureau. Ah, j'imagine pas c'est Rock tenir un stylo sans le casser, en fait. C'est ça qui me paraît déjà compliqué. Le Rock en fonctionnaire. Mais tu vois, à la rigueur, on pourrait croire que ça pourrait être. Si, ça pourrait être le rôle de clown triste. Tu vois, ça pourrait être un peu comme quand Coluche a fait son Ciao Pantin, tu vois. Là, ça serait le Rock, tu vois, qui montre qu'il peut jouer sérieusement. Tu vois, il y a une larme qui coule le long de sa joue musclée. C'est-à-dire qu'il ferait un peu son, ça serait un peu son Whiplash, mais version, version un peu cool, quoi. Un peu je comprends cet enfant qui traverse un peu les mêmes trucs que moi. Je suis un artiste aussi, même si j'ai un physique, je ne suis pas que ça. Je peux aussi écrire, je peux aussi mettre mon âme quelque part. Il le prendra un peu sous son aile, ça serait un peu comme si son, le côté rapport père-fils. Et tu vois, par exemple, je pense qu'il pourrait un peu se coacher sur l'écriture en même temps qu'il ferait de la muscu, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, genre, ouais, comment t'écrirais cette phrase, ouais, tu vois, genre, balance-moi des vers, balance-moi des trucs. Ouais, je vois bien les deux. Si c'est un remake US, il ferait plutôt du rap, tu vois. Il le pousserait un peu à faire des battles, un peu comme dans 8 Mile. Exactement, ouais. Non, moi, je pense qu'on est bien, là. Je pense qu'on peut se faire financer avec des idées comme ça. Alors, moi, j'en ai imaginé. Hein. Ouais. Ah, tu l'as fait aussi. Ouais, je l'ai fait aussi. Ouais. J'ai imaginé un Spike Jonze français. Donc, en fait, ça se rappellerait Dans la peau de Luc Besson. En fait, c'est un apprenti scénariste paresseux qui prend ce cours un peu à la légère, le cours de scénario. Donc, sa vision de l'écriture va amener les autres jeunes à se remettre en question, ou du moins à s'interroger sur le bien fondé d'un scénario dans un film. Et en fait, tous les bouts d'idées qu'on va voir, les embryons de films qui tiennent sur des post-it, bah, ils vont prendre vie à la Ciotat. Donc on verra en fait tous les petits trucs qui tiennent sur trois lignes sur des coins de table, ou voilà, on les verra prendre vie. Et donc le jeune s'appelle Luc Besson aussi, voilà. C'est lui, un apprenti scénariste qui se dit bah, les scénarios dans un film, on s'en balance, comme disait le doc. Elle finit en clé USB la meuf, t'as compris ou pas? Ah ouais, je vois bien, ouais. Okay. Voilà, donc ce serait mon Spike Jonze movie. Je pense qu'on peut se... Allociné, si vous cherchez à produire des films en plus, maintenant, appelez-nous, on est là. Voilà, pour dire, c'est le nouveau film de Laurent Cantet. Donc Laurent Cantet qui fait Entre les murs, Ressources humaines, donc plutôt un bon réalisateur, s'appelle L'Atelier, et c'est avec Marina Foïs. Non, j'étais pas loin quand même, hein. Ouh voilà. Et en fait, donc, pour poursuivre le pitch, c'est le travail d'écriture va faire ressurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans. Toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s'opposer rapidement au groupe et à Olivia que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire. Je pense que j'étais quand même assez proche avec mon idée de début. Quelle est un peu chiante quand même. Désolé hein, de un peu pas trop un good movie. Quoi. Non, plutôt un truc de merde. On l'a pas mis dans nos 15 prochains. Non, jours. On l'a pas mis. Mais je crois qu'il sort dans. Je sais pas s'il sort là ou pas dans un mois. Je pense qu'on le mettra pas dans nos 15 prochains. Ah, t'avais pas aimé Entre les murs. Ouais, bof. Cinématographiquement parlant, bof. On va dire intéressant, mais pas voilà, pas plus que ça quoi. Bref, parlons cette fois-ci de vrais films. Merci pour cette nouvelle rubrique qui est intéressante en tout cas. Hein, donc, si des gens veulent proposer aussi des histoires et des scénarios, s'ils veulent proposer des pitchs, on les lira. Ça peut être un pitch d'un film qui a déjà été fait, qui est un peu inconnu, et nous on peut imaginer d'autres films. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent faut un peu citer ses sources. Pourquoi t'as cette idée là? Et en fait, quand j'écoutais un Masque et la Plume, et en fait, tu sais, parce que quand t'écoutes un podcast, t'écoutes en plusieurs fois, et j'ai repris en cours, je ne savais pas de quel film il parlait. Ah, oui. Et donc, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et après, je me suis dit aussi, ça faisait penser un peu à ce qu'avait fait Henri Michel quand il avait fait pour Riviera Ferraille l'espèce de faux festival de Cannes où t'avais plein de pitchs de films. C'était vraiment très très drôle. Et après, ils comptaient d'ailleurs les tournées, bon, ils n'avaient pas pu le faire pour faute de temps, mais il y avait des pitchs qui étaient vraiment extrêmement drôles. J'en avais parlé, ici. Ça ressemble un peu à ça. Mais l'idée, pour le coup, est plutôt venue quand j'écoutais. Je me dis, mais de quoi il parle ce film? C'est très perturbant. Donc voilà, écoute, on reprendra, on la refera certainement cette petite rubrique, on verra. C'était marrant. On va partir sur des vrais films pour le coup qui sortent dans les 15 prochains jours, et pour conclure la partie divertissement. Donc les 15 prochains jours au cinéma, oui, et dans le divertissement au sens large, le 27 septembre pour les sorties cinéma, vous avez choisi des films complètement différents tous les deux. Donc je vais vous laisser en parler finalement, je vais pas me faire chier. Je me rappelle plus ce que j'ai choisi. T'as mis Demain et Tous les autres jours, toi par exemple. Ah oui, c'est le nouveau film de Noémie Lvovsky. Ouais. Alors moi j'avais pas trop aimé Camille Redouble, j'ai trouvé que c'était très ça, moi j'ai trouvé ça pas mal moi. Mais voilà, j'aime bien quand elle est actrice, tu sais, notamment dans Les Beaux Gosses, quand elle joue la mère. Et alors là, c'est l'histoire entre une petite fille et donc sa mère, et il y a une espèce de chouette, je crois, dedans. Ouais. Ça a l'air très très barré, donc c'est un peu pour ça que je l'ai mis. Je sais pas trop ce que ça peut donner. C'est risqué. Il y a un risque, il y a une prise de risque, il se passe un truc au niveau c'est un scénario. Peu entre projet risqué, projet mais pourri. Ouais, voilà. Après, elle a deux idées, cette nana, tu vois. Elle avait déjà Camille Redouble, c'était quand même un parti pris. Et voilà, c'est une nana de 40 ans qui joue une fille de 15 ans, quoi. Donc, mais par contre, c'était piqué d'un truc de Coppola. Apparemment. Et Peggy Sue s'est mariée. Non, c'est pas, je sais pas, c'est pas ça. Peggy Sue s'est mariée ou je sais plus quel film c'était. Bon, bref, en tout cas, voilà, Noémie Lvovsky le 27 septembre avec Demain et Tous les autres jours. Ouais. Peut-être, Dim, lui, il a choisi Black Sabbath. C'est End of the End. Je veux pas. Je veux pas vous mettre l'un face à l'autre, hein, mais c'est pas le même choix quand même. Dim, pourquoi tu veux aller voir ça? Bah parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre, figure-toi. Et merde. Non, mais ça me faisait marrer de mettre un concert. C'est toujours, je sais pas si vous l'avez déjà fait, faire des concerts dans un ciné. Jamais. Non. Enfin, avoir un concert filmé, c'est un peu frustrant parce que moi j'ai toujours envie de me lever et de faire un peu la fête. Quoi. Il lance des bières dans le public. Je fais un concert, j'ai envie de faire la fête et puis là, voilà quoi. Mais... Non, mais de toute façon, j'irai pas le voir parce que je pense que ça passera pas chez moi, ni comme Dead Zone que j'ai sélectionné aussi. Ouais. Mais ça, c'était pour rester dans la thématique Stephen King. Ouais, tout à fait, ouais, pour le coup. Un bon Stephen King, moi je dis pour le coup, mais ça ne veut pas dire quelque chose sur ça, hein, je le répète. Il y avait un quatrième film le 27 septembre, c'est Julien qui l'a choisi aussi, Un beau soleil intérieur. Ah oui, bah c'est le nouveau film. Ah oui, ah oui, c'est quoi ce... Ouais. Non, j'ai fait ça vendredi, je ne me rappelle déjà plus. La vieillesse, ce naufrage. Ouais. Non, c'est le nouveau film de Claire Denis. Ah d'accord. Voilà, Claire Denis, moi. Et qui part pour le coup dans un film, je crois que c'est Juliette Binoche qui est dedans. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire, on dirait une espèce de comédie romantique. Elle va rencontrer quelqu'un. Et en fait, comme ça ne ressemble pas du tout à ce que fait Claire Denis d'habitude, voilà, qui est plutôt un cinéaste assez, on va dire, un peu, enfin, voilà, je vais caricaturer, mais pour le faire vite, un peu intellectuel, un peu plus peut-être un peu plus cérébral, un peu, voilà, qui est bien aimé par la critique, un peu. Ouais, les cahiers du cinéma, quoi. Les cahiers, les Inrocks, tout ça. Et là, c'est un film qui a l'air complètement différent de ce qu'elle fait. Donc, je trouve ça toujours intéressant quand un cinéaste vient un peu à contre-pied, un peu à rebrousse-poil de ce qu'elle fait d'habitude. Alors, parfois, c'est raté. Et parfois, ça peut donner d'heureux hasards. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas Un beau soleil intérieur le 27 septembre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, quand même, comme dit Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Le 4 octobre, il y a un très gros film qui sort. Hein, là, c'est tous les pas deux. Trop, si ça va être un gros film qui sort. Non, mais bon, c'est Villeneuve qui revient avec son Blade Runner, donc 2049 pour le coup. Ouais. Est-ce qu'il y a de grand-chose à dire de plus? Bon, on en a déjà pas mal parlé, hein, je pense, mais... On en a déjà pas mal parlé, ouais, bon... Bah, disons, moi, pour la curiosité d'avoir une suite à Blade Runner, voilà, quoi. Puis bon, le réalisateur aussi, c'est pas n'importe qui, donc bon, rien que pour ça, on ira le voir. Hein. Ouais, c'est un réalisateur qu'on affectionne, pour l'instant. Il pourrait perdre notre affection assez vite avec ce film, on va voir. Non, mais pour le coup, c'est aussi un projet un peu casse-gueule, parce que... Ouais. Compliqué de donner donc, une suite à Blade Runner. Ryan Gosling qui va croiser Harrison Ford. Ouais, est-ce que Harrison Ford va être aussi fatigué que dans Indiana Jones 4? Non, je le situerais plutôt à son pic de forme dans Indy 4, mais il était très fatigué dans Star Wars 7. Pic de forme. Julien, t'as sélectionné deux autres films pour le 4 octobre, Happy End. Ah oui, alors ça, c'est le nouveau film Feel Good Movie. Non, mais pareil, hein, c'est le nouveau film de Michael Haneke qui avait été présenté à Cannes. Ah, d'accord. Et qui se passe en France. Je crois, qu'il y a Romain Duris dedans. Enfin, il y a un casting français. Et apparemment, c'était quand même assez drôle pour du Michael Haneke. Ah oui, c'est ça, parce que lui, c'est pas quand même le maître d'humour. Mais j'ai l'impression. Ah, ce film, c'est pas American Pie, ça, c'est sûr. Mais justement, j'ai l'impression que ça se passe dans le Nord, donc c'est un peu bienvenu chez les ch'tis, mais version Haneke. Oh mon dieu. Mais je suis pas sûr que ça se passe dans le Nord. Oh, le pitch de ouf. Mais voilà, bon, moi, je suis pas un grand fan de Haneke, mais j'aime bien voir aussi. En fait, j'aime bien voir les films des réalisateurs que j'aime pas trop. Tu vois, par exemple, j'aime bien voir les films de Nolan, parce que je peux en dire du mal après si c'est pas bien. Ouais. Et par exemple, Michael Haneke, moi, j'aime pas du tout Le Ruban Blanc. C'est un film que je trouve très manipulateur, très poseur. Et même si c'est un film qui a plein de qualités et qui peut être considéré comme un chef-d'œuvre, je comprends pourquoi certains disent ça. Donc, je suis toujours curieux des cinéastes, voilà, que j'aime pas pour parfois des bonnes raisons, mais qui sont pas forcément des mauvais réalisateurs, ou voilà, qui ça peut arriver aussi que t'aimes pas des réalisateurs parce que le message qu'ils véhiculent ou la façon dont ils le traitent ou l'ironie qu'ils ont par rapport à leur film, elle correspond pas forcément à ta subjectivité. Donc moi je dis bah c'est de la merde, c'est pourri, c'est nul, parce que mes goûts sont des références. Mais si tu prends un petit peu de recul par rapport à toi-même, tu peux te dire que goûts sont des références. Le sens de la fête, le 4 octobre. Ouais, parce que j'en avais parlé, on avait parlé du teaser notamment avec les SM que Bakri essaie d'envoyer. Alors il y a ça, mais je trouve que la bande-annonce, elle est encore plus drôle que elle est réussie, cette bande-annonce. Moi, j'en avais un peu marre de voir tout ce truc avec les SMS, c'était toujours les mêmes blagues, et donc quand tu l'as vu 2, 3, 4 fois, tu sais, c'est un peu comme le « ça ». Dans le film avec Bakri et de Agnès Jaoui. Et là, en fait, la bande-annonce, j'ai trouvé ça hyper drôle. C'est Toledano et Nakash, donc ceux qui ont fait Intouchable et Samba, donc surtout Intouchable, parce que Samba, c'était quand même pas terrible. Non. Mais là, je trouve que voilà, ça a l'air vraiment bien écrit. Et je trouve que ils sont pas vraiment, tu sais, dans l'écriture de gimmick, de punchline. Ils sont plus dans l'écriture de situation. Intouchable, moi, je trouve que c'était réussi pour ça, parce que ça décrivait, c'était pas que drôle, en fait, c'était aussi, il y avait un contexte social autour. Je trouve qu'ils arrivent bien à mêler les deux, en fait. Voilà, je trouve que la bande annonce, ça m'a plutôt surprise en bien. Ah, oh, puis bon, Bakri qui fait son Bakri, on est client, enfin, moi je suis assez client, donc voilà. Donc, ça, c'est le 4 octobre qu'on ira voir ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer quand même à la partie art ludique tranquillement. On avait dit qu'on ferait une heure sur la partie divertissement, on a fait une heure et demie, c'est bien, on est bien parti pour rester sous les deux heures, les gars. Allez, on y va, partie jeux vidéo. partie jeux vidéo où ça va être court. Ça va être court, on va être sous les 3 heures, bien sûr. C'est pas donc... le but non plus d'être court, hein. Le but c'est d'être concis, d'être éditorialisé. D'être Là, on a été plus cohérent. On peut pas être plus éditoriaux que nous pendant ce podcast, je crois. Là, c'est des choix qui tranchent. Et notamment, on n'a plus de débat dans la partie jeux vidéo. Non, on a la question de la quinzaine. Gros changement, les gars. Gros changement. Voilà. Oh putain. On a juste changé les noms. Et le fond est le même. C'est-à-dire, tu vois, tu changes les pots, c'est comme Nutella. Ils changent un peu les pots et tu as toujours la même pâte dégueulasse. Oh là là là là, les gens, mais c'est une honte. Ils doivent être en train d'écouter ce truc. Nouvelle recette testée par nos consommateurs. Goût de l'année 2017. Nouveau, la question de la quinzaine. Donc, c'est Julien. C'est Julien pour changer aussi dans la partie jeux vidéo qui s'y connaît quand même plutôt bien, qui nous la pose. C'est quoi cette question de la quinzaine, Julien? Eh ben, la question que je vais te la poser, c'est Nintendo et les tiers, donc les éditeurs tiers, la sortie du tunnel, point d'interrogation, puisque c'est une question que tu leur as remarqué. Celle de la quinzaine. C'est celle de la quinzaine, parce que... Vous avez compris. Alors, pourquoi je voulais poser cette question? Parce qu'en fait, il y a des jeux qui arrivent sur Nintendo Switch, qui ne sont pas des jeux Nintendo, mais des jeux d'éditeurs tiers. Je pense à FIFA 18 et à NBA 2K18 qui est sorti. On a vu que Rockstar avait annoncé Ella Noir, bon, un jeu qui commence un petit peu... daté de 8 ans. Daté. Et, mais surtout, la surprise du dernier Nintendo Direct, qui est passé juste 2-3 jours après l'enregistrement de notre podcast estival, où on a vu en fait que Bethesda, en plus de Skyrim, avait annoncé deux jeux, donc Doom et Wolfenstein 2, donc je sais plus comment il s'appelle, New Order ou The Old Order, Wolfenstein 2, deux jeux qu'on voyait bien un peu partout, sauf sur Switch, donc ça a été quand même un peu une surprise. Alors la question, est-ce que le succès actuel de la Switch, on va dire, enfin, plutôt sa dynamique, on a vu qu'il y avait des analystes suisses qui avaient prédit qu'elle se vendrait à 120 millions. Alors je pense qu'ils ont fumé des trucs. 120 millions, c'est énorme. Oui, c'est complètement hors de la réalité. Je vois pas comment ils peuvent avoir ces projections de vente. Mais bon, voilà, pourquoi pas. C'est des Suisses, hein, tu sais. C'est des Suisses. Ils savent pas trop compter. Hein, ou alors c'était, tu sais, ils comptent en francs suisses. C'est beaucoup plus que les francs. Les francs s'implantaient les cons. Donc peut-être ça va faire 60 millions. Pour quelqu'un, ce serait peut-être plus atteignable. Et donc voilà, est-ce que finalement le succès, la dynamique qu'a la Switch actuellement depuis sa sortie, ça va marquer le retour des tiers chez Nintendo, comme à l'époque de la Super Nintendo, ou bien ça va être simplement un épiphénomène, parce que tout le monde sait, comme on le dit souvent ici, les machines Nintendo, ça vend quoi? Ça vend du Nintendo. Et ouais. Bon, déjà, il faut un peu resituer dans le contexte par rapport à la question. C'est toujours important de contextualiser parce que les Nintendo les tiers, c'est une histoire assez tumultueuse. On sait que Nintendo, à l'époque notamment de la Super Nintendo, ils avaient un peu pignon sur rue puisque t'étais un peu, quand t'étais éditeur tiers, t'étais obligé, quality Nintendo, mais t'avais surtout des gros royalties à payer à Nintendo. Et comme c'était la console qui marchait le mieux, il y avait aussi la Mega Drive, mais t'étais obligé de sortir ton jeu sur Super Est-ce Nintendo. Est-ce que c'était déjà 30% des royalties qui étaient pris par Nintendo? Alors je sais pas, moi on l'a jamais su. Alors, je pense que ça va pouvoir se trouver. Il y a des historiens du jeu vidéo qui doivent pouvoir voir. Alors ça, à part si c'est pas accessible. Mais en tout cas, tout le monde était d'accord pour te dire que c'était une somme absolument énorme, mais que tu étais un peu obligé de donner. Et puis même dans l'histoire des consoles Nintendo, même par rapport aux éditeurs tiers, tu as eu des consoles exotiques. C'est-à-dire souvent, ils font un peu ce que. Ils font pas du tout ce que font les autres. Un gameplay complètement différent. Voilà, soit la Wii U qui était un gameplay complètement différent, la Wii qui avait la puissance d'une GameCube alors qu'on était déjà sur PS3 et 360. Donc ça, c'est des trucs qui font bien chez les tiers qui veulent pas mettre trop d'argent pour vraiment se mettre sur un hardware compliqué, va dire un peu exotique. C'est aussi une puissance moindre. On sait que généralement, quand tu la Switch, c'est pas non plus une PS4, et encore moins une PS4 Pro, et encore moins une Xbox One X. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un boulot à faire. Alors ça, c'est encore pire quand ils te lancent une console complètement exotique en termes de hardware et qu'en plus elle est moins puissante. Là, les tiers, ils se disent pour en vendre 100 000, enfin pour en vendre 10 000, on va peut-être pas se casser le cul. Pour le coup, ce qui est exactement ce qui s'est passé avec la précédente, la Wii U. Là, c'était à la fois hardware assez faible et manipulation exotique, maniabilité exotique. Et donc on sait que c'est un marché compliqué parce que les licences Nintendo, c'est souvent celles qui se vendent. Quand tu regardes un top 10, même toute époque confondue, les 8 ou 9 jeux les plus vendus, c'est les jeux Nintendo. Et puis au début de la console, on s'est dit que ça allait bien partir comme ça parce qu'avec Zelda qui s'est vendu à plus de 100% plus de 100% de consoles équipées, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui achetaient deux jeux Zelda pour une seule console, et Splatoon qui était pas loin d'avoir atteint la même proportion, notamment au Japon, où il est également, je crois, à 100% des consoles qui sont équipées. D'autant que là, ils ont une politique sur la Switch de un gros jeu Nintendo par mois. Ouais. Là, il va y avoir le Mario, il y aura le Xenoblade. Et mine de rien, avec un gros jeu où tu sais qu'il y a quasiment 100% des gens qui l'achètent, tu tues un peu le marché, quoi. Tu tues un peu le marché, donc ça, c'est le. Voilà, et finalement, est-ce que les éditeurs vont trouver une place? Je sais pas ce que toi t'en penses de ça, de ce qu'on a vu au niveau du Nintendo Direct avec ces deux gros jeux. Bah Bethesda, Doom, c'est quand même un gros titre. Ouais. En plus, c'est un titre quand même assez rentre-dedans, ouais, pas clairement, du tout, clairement. Plus du tout, on va dire, esprit Nintendo. Bah, moi, je me dis que j'ai tendance à espérer, j'ai tendance à y croire, parce que, comme tu l'as dit, la dynamique de la Switch, elle est tellement positive. Et puis maintenant, en fait, ça fait longtemps qu'elle est positive. C'est-à-dire que la Switch, elle est quand même sortie depuis quelques mois. Ouais, mars. Les gens, ils ont bien vu que la dynamique, elle était à la fois forte et stable. Les ruptures de stock continuent dans certains pays. Aux États-Unis, elle est encore compliquée à trouver dans certains endroits. Du coup, je pense que là, au niveau maintenant des jeux qui commencent à être annoncés ou qui commencent à sortir, pour les plus petits jeux en tout cas, c'est des jeux où les gens se sont dit « Ok, là il y a un marché, on peut y aller en toute sécurité ». Autant il y a eu peut-être quelques jeux de indés, etc., où c'est Nintendo qui a un peu appuyé certains indés, etc., pour faire un peu monter la sauce au début de la sortie de la Switch. Autant, voilà, par exemple, quand il y avait eu le truc avec les zombies sur Wii U, c'était vraiment... c'était Ubisoft qui avait vraiment choisi de soutenir la Wii U à l'époque. Ils l'ont un peu payé parce que ça s'est pas non plus super bien vendu, mais il était sorti très vite, c'était même des packs de lancement, etc. Là, il y en a eu un peu moins, des jeux comme ça. On a vu que les gens s'étaient un peu protégés, ils avaient été un peu échaudés par la Wii U. Ils étaient plus prudents. Maintenant, clairement, ça commence à vraiment bien se vendre. On sait que c'est parti pour durer, on sait que ça va être un gros succès quand même, globalement. Et du coup, moi, je suis assez confiant sur le fait que ça ramène des éditeurs tiers. Les éditeurs tiers, leur seul intérêt, c'est de faire de l'argent en vendant le plus possible. Enfin, tu vois, il faut. Alors, oui, derrière le Discord de Bethesda, j'ai bien vu, ils sont là, genre nous, on a toujours soutenu Nintendo et on continuera à le soutenir. Ouais. Tu vois, il y a eu un côté genre comme à fond. Pour le coup, j'ai plus tendance à croire Ubisoft quand ils disent ça, parce que justement, Ubisoft, ils étaient là sur Wii U et ils ont lancé les lapins crétins il y a longtemps avec Mario. Ils ont dû réfléchir à l'accord de licence il y a longtemps, donc ils ont pris le risque de le sortir sur Switch. Avant même de savoir si elle allait marcher. Ouais, parce que Doom, c'est du back catalogue qui a été rentabilisé. Exactement. Sur PC, PS4, Doom, ils prennent pas finalement un risque très très fort en le sortant. Ils savent déjà quelque part que la console, elle a marché et que les gens en plus, ils ont pas non plus encore un stock de jeux. Et ça, c'est la deuxième dimension importante, c'est que tu vois une console où il y a un marché à faire. Et en plus, bon, bien qu'il y ait les jeux Nintendo, le catalogue de jeux éditeurs tiers et de concurrents donc potentiels à ton jeu est bien moindre. Et du coup, tu as quand même potentiellement des chances d'en vendre. C'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé avec les jeux indés cet été. Au moment où ils n'étaient pas encore sortis, même les jeux qui avaient des mauvaises critiques, les Bomberman, les conneries comme ça, se sont super bien vendus parce qu'il y avait entre guillemets rien d'autre et que du coup tout le monde achetait ces petits jeux un peu à côté. Donc je pense que ça allèche clairement les babines des autres. Vadim, c'est ça qui fait un peu peur, je trouve. C'est que je pense que oui, il y aura des jeux d'éditeurs tiers, mais ça va être un peu les fonds de tiroir. Par exemple, nous ressortir des vieux jeux comme Elle est Noire, comme tu disais tout à l'heure, ou un Doom qui aura pas la puissance d'un Doom que tu pourras retrouver sur une console comme la PS4 ou la Xbox One. Et surtout que voilà, quoi, même si la console marche vraiment énormément, ça pourra pas avoir la même aura, je pense, que la Super Nintendo, justement par ce gap de puissance, quoi. Surtout que là, en plus, il y a la PS4 Pro, il va bientôt avoir la Xbox One X qui va sortir. Je pense que ça va être compliqué d'avoir à peu près les jeux sur toutes les plateformes, des jeux à peu près identiques. Ouais, alors c'est un point intéressant que tu soulignes, puisqu'on sait par exemple que Doom, il va tourner en 720p et 30 images par seconde. Ouais. Là où il est en. Alors, je sais pas s'il est. Je sais qu'il est en 60 fps sur FPS, PS4. Ouais. Je sais pas s'il est en 1080, je pense qu'il est en 1080. Donc c'est vrai que. Alors après, tu peux te dire aussi que c'est un jeu qui va être transportable. Oui. Donc c'est-à-dire que n'importe où, je sais pas, tu vas en vacances, tu vas dans le train, tu peux jouer à ton Doom dans une qualité qui sera quand même plutôt, je pense, impressionnante sur un petit écran de la taille de la Switch. Alors peut-être que sur salon, forcément, si tu as une PS4 à côté, tu vas plutôt le prendre sur PS4. Mais il y a ce côté toujours transportable qui fait que finalement, tu peux convaincre des gens d'acheter le jeu s'ils sont plus des utilisateurs d'usage portable. Bah, c'est ça qui ferait la force, on va dire, de vente pour les éditeurs tiers, parce que bon... Je pense que dans tous les gens que je connais qui ont une Nintendo Switch, à côté ils ont aussi une PS4 ou un PC ou une Xbox. Ouais. Donc voilà quoi, je pense que si t'as un gros jeu qui sort, tu le prendras pas sur Switch, à part vraiment si t'es vraiment un joueur nomade quoi. Bah c'est ça, parce qu'il faut en fait, ce qu'il faudrait voir dans l'histoire, c'est un peu le taux d'équipement croisé, quoi. C'est-à-dire combien de gens ont une Switch et ont un autre moyen de jouer à côté, qui est potentiellement du coup forcément plus puissant. Moi je pense que c'est énorme, hein. Je pense qu'il y a pas peu de gens qui ont juste une Switch. Bah c'est un peu la question que je me pose, parce que autant effectivement quand il y avait la Wii, le succès de la Wii, c'était pour ça qu'il y avait plein de jeux d'éditeurs tiers, c'est que les gens qui avaient une Wii, ils avaient rien d'autre à côté. Alors, c'était pas des gens qui jouaient sur PC. Plein de jeux d'éditeurs tiers, il y avait des jeux d'éditeurs tiers, mais souvent qui étaient des jeux un peu pourris. C'était un peu de la merde. Non mais il y avait finalement les gros jeux jeux qui sortaient à l'époque sur PS3 360, on les voyait pas sur Wii, non. Parce que la puissance de la console permettait pas de faire un BioShock. Ouais, de puis faire... la jouabilité, ils avaient pas envie se refaire chier à tout recoder, quoi. Donc finalement, même la Wii, qui était un succès énorme, elle a surtout bénéficié à Nintendo, un peu à Ubisoft, parce qu'ils avaient Just Dance et les Lapins Crétins, et quelques éditeurs qui ont pu, tu vois, genre tu sortais un jeu merdique comme Bienvenue chez les Ch'tis, ça se vendait, quoi. Tu vois, non, mais c'est ça, non mais. Bah oui, parce que justement, les gens n'avaient pas d'autres supports à côté sur lesquels il y avait des vrais jeux. Il y avait des très bons jeux sur Wii, mais il y a eu un paquet de merde qu'on n'a pas connu depuis des années et des années. En gros, c'est un peu ce que Dim craint, là, c'est qu'il se dit, voilà, quand il nous dit est-ce que ça va être un Doom au rabais ou est-ce que ça va être des Alienware qui sont sortis il y a 5 ans, ouais, c'est un peu l'autre question qu'on peut se poser. Sauf que ça reste pas non plus, c'est pas, je veux dire, tu peux pas comparer Doom et Bienvenue chez les Ch'tis. Non. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Tu vois, Doom, même si Doom, c'est un jeu qui n'est pas hyper... Enfin, il a quoi? Il a un ou deux ans. C'était un jeu de l'année dernière. Ça reste quand même un très, très bon jeu qui est quand même une grosse... Bienvenue chez les Ch'tis aussi. Merde. Merde. Ça suffit. On redoron le blason de Bienvenue chez les Ch'tis. Mais tu parlais tout à l'heure des indés. Et c'est vrai que là, je voyais, par exemple, pour Wonder Boy, hein, qui est un jeu qui est sorti notamment sur Switch. Et il s'est plus vendu sur Switch que tous les résultats cumulés des autres machines, sachant qu'il est sorti sur PC, sur PS4 et sur One. C'est énorme. Donc, alors peut-être que c'est un jeu qui est plus typé esprit Nintendo, puisque c'est un remake, de Wonder Boy, des vieux jeux de l'époque. Moi, je me rappelle, j'y jouais sur NEC à l'époque. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être un jeu qui est plus dans l'esprit Nintendo. Et comme tu disais tout à l'heure, l'eShop est un peu plus vide. Donc, c'est vrai que si tu as acheté une Switch et que tu veux l'alimenter, comme tu n'as qu'un gros jeu par mois, pour peu qu'il ne t'intéresse pas, je ne sais pas si tu n'es pas Splatoon 2, va falloir que tu trouves un autre jeu. Tu vas peut-être plus te rabattre facilement sur d'autres jeux, alors que les calendriers PS4 et One, ils sont quand même plus chargés en jeu. C'est ça, tu n'as quand même pas énormément de nouveautés. Et quand tu as une nouveauté qui apparaît dans l'eShop, sur la Switch, t'es quand même un peu content et tu vas mine de rien toutes les regarder, quoi, tu vois, enfin, toutes, quoi. Même si on voit qu'au niveau des indés, il y a beaucoup de jeux indés qui sont annoncés sur Switch. Là dernièrement, je voyais qu'il y avait encore Inside qui allait sortir dessus, parce que les indés, finalement, apparemment, c'est une machine qui est assez facile à programmer, donc il y a des portages qui peuvent se faire très rapidement et ça se vend bien. Ouais. Surtout sur des indés. Et puis en plus, ils avaient filé des kits de développement. Enfin bref, il y a eu aussi un support de Nintendo depuis cette la Wii, fois-ci. Ils ont vraiment fait un effort. À la Wii, c'était l'horreur pour les indés. Complètement. On se rappelle des déclarations de la Team Meat qui trouvait ça que c'était inadmissible ce qui se passait sur Wii. Et à partir de la Wii U, ils ont vraiment fait un effort qu'ils ne font pas forcément avec les tiers. Hein. On sait qu'ils n'étalent pas comme Sony leur grosse sortie. C'était normalement Sony, ils font leur sortie en mars-avril. Et puis toutes les périodes de Noël, ils laissent ça à Destiny 2, ils laissent ça à FIFA, à Call of Duty, aux gros jeux en fait. Ils se font aussi de l'argent, clairement. Sur les jeux, quoi. Voilà. Hein, Nintendo, ils font beaucoup de partenariats avec les éditeurs tiers, Sony et Microsoft, ce que fait pas du tout, c'est pas du tout Nintendo. Voilà, donc je sais pas si ça augure de quelque chose. Je pense qu'il va finalement, le grand juge de paix derrière tout ça, ça va être les ventes. C'est-à-dire, si demain Doom se vend, je te dis n'importe quoi, 1 million d'exemplaires, il continuera à en faire, que ça soit des versions, on va dire, downgradées par rapport aux versions originales, que ça soit même des portages un peu faits à la va-vite. C'était le principe sur Wii U, ils ont vu qu'à un moment donné on sortait Assassin's Creed, mais personne n'achetait. C'est là où on va voir si effectivement les gens ont des cross-plateformes et que est-ce que les gens qui ont la Switch vont l'acheter plutôt sur PS4 ou sur leur PC. Ce qui pourrait la sauver, c'est le côté transportable, où des gens, même qui ont déjà le jeu, disent putain, Doom, j'adore, j'aimerais bien l'avoir sur ma portable. Toi, je sais que tu crois beaucoup à ce côté portable, etc. Mais alors, peut-être chez eux, dans leur canapé, etc. Mais moi, j'ai encore jamais vu pour l'instant quelqu'un avec une Switch dans un transport ou quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai pris le train, j'ai pris l'avion, j'ai eu des occasions de longs transports, on va dire, et j'ai jamais vu une Switch. Moi, ce que j'entends, la portabilité, c'est pas forcément d'y jouer dans un transport. Non, voilà. Ça peut être, tu pars en vacances, tu l'emmènes. Oui. Et tu joues en vacances. Ouais. Tu vois, t'es là, t'as un petit peu de temps pour jouer, donc forcément tu vas pas amener ta console, la brancher sur la télé. Là, c'est super simple de l'emmener, donc à la limite tu peux même emmener le dock et la mettre sur la télé. Pour le coup, c'est assez simple. Ouais, c'est assez simple aussi, pour moi, c'est plus le côté transportable qui peut être intéressant. Peut-être. Et bien sûr, tu peux y jouer aussi sur le petit écran. Et on sait que maintenant beaucoup de gens ont, quelqu'un regarde la télé, toi t'es en train de jouer à ta Switch à côté. Ouais. Voilà, il peut y avoir ce phénomène-là. De toute façon, on le saura assez vite, hein, d'ici 6 mois, 1 an, on verra si le rythme se ralentit dans les annonces des tiers ou pas. Je pense que là, ils vont faire beaucoup d'annonces parce qu'ils ont dû réenclencher des jeux. Mais il va falloir surtout voir les ventes de FIFA, notamment FIFA 18. Je pense Doom, ça va être aussi un bon test. Skyrim aussi. Quelques jeux comme ça. Bon, Alienware, je pense pas que ça soit une grosse vente parce que même il sort sur les autres machines et c'est pas forcément un jeu qui se vend beaucoup. Mais je pense que FIFA 18 et Doom, ça va être à mon avis les deux gros tests un peu pour les tiers. Clairement. Ce qu'on a ensuite comme pastille pour suivre un petit peu, alors c'était pas un débat, c'était la question de la quinzaine. Bien sûr. Non, il y a aussi une pastille qui va revenir pour le coup, je pense, assez régulièrement dans la partie jeux vidéo. C'est un choix éditorial, Julien, que tu as fait. C'est qu'on va parler des constructeurs et surtout d'une seule actu. Une seule actu par constructeur. Ouais. On a décidé d'en retenir qu'une par constructeur sur les 15 derniers jours. Ouais, alors ça peut être une actu qui est un peu insolite, un peu cocasse. Ça peut être une actu qui est simplement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ouais. Bon, moi j'ai appelé ça les trois gros en hommage aux trois gros, c'était les comiques là qui, où certains ont été enlevés. C'était les Français là, ils ont été enlevés, il y en a un qui a été enlevé, je crois. C'est quoi ce truc? Non, je connais pas, les inconnus. Voilà. Non, mais au début j'ai appelé ça la guerre des trois. Ouais. Mais je crois que c'était une pastille qui avait déjà été créée dans un truc de Radio Kawa, je crois. Ah merde. Où ils faisaient ça, voilà. Bon, c'est pour ça que j'ai appelé ça les trois gros. Bon, bah c'est très bien. C'est les trois gros constructeurs, et là j'ai fait un peu une thématique autour de vie, mort et mort vivant. Ouais. Puisque finalement, celle que j'ai retenue pour Nintendo, on va continuer sur Nintendo, c'était le Nintendo Direct. Ouais. Mais moi, j'ai relevé une chose assez étonnante, c'est qu'en fait, apparemment, la Switch serait équipée d'un émulateur NES. Hein. Je sais pas si tu avais passé cette info. Ouais. Alors jusque-là, rien de surprenant. On peut se dire, ils se préparent à la console virtuelle et puis ils ont besoin d'un émulateur NES. Peut-être que c'est ça aussi. Mais en fait, c'est ce qui est plutôt étonnant, c'est ce qu'il est possible de faire avec cet émulateur. Alors, il faut des conditions. Il y a des conditions à réunir pour que cet événement se passe. Il faut un firmware en sortie d'usine. C'est-à-dire qu'il faut l'acheter la console et tu ne fais pas de mise à jour via Internet. Il faut que la date du 11 juillet soit réglée ou alors qu'on soit le 11 juillet. Il faut avoir deux Joy-Con détachés et il faut faire en fait le geste célèbre de Iwata, le directly to you quand il mettait les mains en avant. Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Il se lance le jeu Golf. Et en fait, ce jeu, c'est un jeu sur lequel Iwata, quand il était codeur, il avait, en 84, il avait travaillé. Mmh. Et le 11 juillet, c'est la date du décès de la mort de Iwata. Alors, on ne sait pas trop si c'est vrai. Apparemment, il y a quand même des YouTubers qui ont réussi à trouver cet easter egg qui serait quand même un truc assez légendaire. Ça serait bien caché, là. Hein. Ça serait vraiment le truc, l'hommage un peu ultime. On sait qu'ils ont fait pas mal d'hommages dans les derniers jeux qui sont sortis après le décès de Iwata. Mais ça serait quand même assez dingue qu'il y ait un truc comme ça à l'intérieur de la Switch. Je trouve que ça serait vraiment un super hommage. Ouais, c'est un beau clin d'œil, honnêtement. C'est un beau clin d'œil. Ça m'étonnerait finalement pas de la part de Nintendo, parce que ça, Iwata était tellement important pour Nintendo que clairement c'est un beau dernier clin d'œil. Du côté de Sony, il s'est passé quoi dans ces... Alors moi c'est le côté mort-vivant. Mort-vivant, on sait qu'il y avait le TGS la semaine dernière. Et pour le TGS, moi je vais plutôt vous renvoyer vers les gros sites comme Gamekult ou Gameblog. Ouais. Enfin, voilà, c'est pas forcément des confrères, mais ils ont très bien traité ça. Il y a Gaijin Dash sur Gamekult, il y a deux émissions. Et même Gameblog qui a fait un truc très sympa, on n'en parle pas souvent, mais là ils ont fait... Julo est parti au Japon avec une petite caméra pendant le TGS. Il a filmé à la fois des trucs autour du TGS, donc dans la vie japonaise, donc il y a plein de trucs intéressants pour les gens qui aiment le Japon, et c'est super instructif. Il y en a pour l'instant je crois 5 ou 6, et ça dure à chaque fois une trentaine de minutes, une quinzaine de minutes, et c'est des petites pastilles, hein, parce que c'est un peu le terme qu'on doit ils utiliser ont piqué aujourd'hui. L'idée, les salauds. Piqué l'idée des pastilles avec, ouais, avec les vlogs. Pour revenir à Sony du coup, voilà, choisi, pour revenir, c'est j'ai choisi le PSVR, puisque c'est un peu le mort vivant, et en fait j'ai été étonné qu'il ait eu droit à un segment pendant la conférence Sony. Alors peut-être parce qu'ils n'avaient pas trop de choses à montrer, ils se sont dit tiens, on va mettre du PSVR. Les gens croiront que finalement, on s'en fout pas. Tu vois, ils n'ont pas fait ça pour la Vita. On n'a pas du tout vu de Vita. Et j'ai même noté le nombre de temps que ça avait duré. C'était de 37 minutes 40 à 49 minutes 10. Oh la vache, soit c'était long. À peu près une 12-13 minutes. Ouais, presque. Donc c'est très très long. Donc on a eu quoi? Alors on a eu des espèces de trailers de jeux qui étaient déjà sortis. Ça, c'est un peu le truc pour dire regardez notre PSVR. Il y a depuis trucs. Un an. Il s'en est vendu 1 million. C'est génial. Achetez-le. On a vu un clip des jeux à venir, mais on a aussi vu des nouveautés. Alors j'ai noté E-Park, un shooter dans un parc jurassique, style Jurassic Park. Okay. Donc ça, c'est un peu pour Dim, je l'ai mis, ça a l'air un peu... un peu pour Pourquoi Dim. Moi j'ai jamais parlé de Jurassic Park. C'est clair. Bah, t'as bien Jurassic Park, non? Oui, c'est vrai, oui, j'aime bien. Alors j'ai noté Gungrave aussi, qui est un peu le retour du jeu PS2, qui était un jeu assez moyen, mais parfois en VR, ça sublime un peu les jeux pourris. E-Train Experience, une simulation de train toute moche, mais au Japon, les trains, ça marche toujours. Ah ouais, c'est des fans de train. Ça marche fort, ouais. Enfin, à une époque, c'était des trucs qui se vendaient à des, ah oui, c'est des millions des d'exemplaires. Kilomètres. Alors, ouais. Et surtout, moi, c'est le jeu qui m'a le plus intéressé, c'est Zone of the Enders 2, donc le jeu d'Hideo Kojima par Konami. C'est Anubis, et qui sera jouable sans VR, mais on aura droit forcément à une version VR. Et ça peut être très sympa, parce que t'es dans un mecha, donc ça se prête très très bien. Ça, c'est Zone of the Enders, c'était un jeu quand même qui était assez classe. Ouais. C'est pas le meilleur jeu de Kojima, mais c'est un excellent jeu. J'ai aussi noté qu'on aura droit à des concerts, donc il y a Gravity Rush 1 et 2, Shadow of the Colossus, Ico, Last Guardian, Wild Arms, et en fait, ils ont recréé une petite salle virtuelle où tu peux te mettre pour regarder des concerts. Donc tu vois des images du jeu sur un côté de l'écran, donc j'imagine en VR, quand tu regardes sur le côté gauche, tu dois voir l'écran du jeu, et tu vois les musiciens en train de jouer. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Marron, c'est offert pour les abonnés PlayStation Plus. D'accord. Alors au Japon, je crois que c'était à partir du 20 septembre. Je sais pas du tout si ça va arriver en France. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup. Bah ouais. Parce que notamment Gravity Rush, il y a des musiques magnifiques. Donc moi, les voir jouer par un orchestre, c'est un truc que j'aurais vraiment très envie de tester. Mais c'est une vidéo, du coup, c'est un vrai orchestre qui joue. C'est un vrai orchestre, d'accord. Mais c'est en. Je sais pas, t'avais jamais vu des concerts en VR Non. généralement, tu vois, tu as une impression de la salle et de la présence des musiciens. Donc, alors, je ne sais pas si là, ça va être des petits écrans ou comment ça va être fait. Le truc, c'est toujours difficile quand tu les montres sur un truc pas VR. Oui, c'est non, difficile c'est impossible de se rendre compte de la taille voilà. des choses, en fait. Mais normalement, ça serait des concerts. Moi, pour avoir vu parfois des concerts en VR, notamment, il y avait même Hatsune Miku, tu pouvais voir des concerts d'Hatsune Miku. Voilà, c'était plutôt intéressant. C'est une expérience que j'aime bien sur la VR. Puis, on est content d'avoir des news de la VR. Ouais. Comme tu dis, qu'elle bouge encore un petit peu. Elle n'est pas tout à fait morte. Non, il y aura aussi Nico Nico. Donc, Nico Nico, c'est le YouTube japonais. Alors, ouais. C'est, pour le coup, c'est vraiment que du marché japonais. Mais ça veut dire que toutes les vidéos en VR... Peut-être que si YouTube en a, on pourra peut-être aussi les voir. Ça va commencer à arriver. C'est que c'est le cas aussi pour le porno, hein, tu peux déjà voir. Enfin, ça c'est surtout ça. Non, ils ne le disent pas trop, Sony. Ça, c'est le truc. Troisième gros constructeur, alors est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort-vivant ? Non, c'est plutôt la naissance qui arrive avec la One X, hein, bien sûr, puisqu'on sait qu'il y aura plus de 130 jeux qui auront des améliorations notables sur la One X. Qui sera dispo le 7 novembre, donc c'est un peu leur grosse actu. Ils n'ont pas grand-chose en ce moment, à part Forza qui va arriver et Cuphead. Mais surtout, c'est les éditeurs qui font un peu les yeux doux à la One X avec plein d'éclats marketing élogieuses, comme celle du directeur de Assassin's Creed Origins qui déclare « Ça a été un plaisir de travailler sur la Xbox Scorpio. Ça a été plutôt facile de faire tourner notre jeu en très haute qualité vraiment rapidement. Avec la Xbox X, le jeu est beau. » Grâce à nos artistes, ingénieurs et directeurs techniques, le jeu est absolument magnifique visuellement. Je pense qu'avec la Xbox One X, c'est la plus belle version que nous avons car elle est rendue à une haute résolution. Waouh. Voilà. Et donc après, il dit quand même que ça sera, l'expérience sera la même sur les autres machines. C'est le mec, il a deux doigts de santé une côte pour mieux se faire une autofellation. Ah oui. Mais après, c'est bien aussi sur les autres machines. Il se rappelle du business. L'expérience de jeu est la même partout sur les autres plateformes. C'est marrant parce que je sais pas si c'est parce que je suis un peu moins les jeux vidéo en ce moment, mais je trouve qu'on n'entend pas des masses parler de la Xbox One X. Bah, les préco ont l'air très très bonnes, mais on sait pas comment ils ont mis de préco. Là, c'est vraiment quand ça va sortir. Ok. Bon, tu vas l'acheter, toi, Julien ? Pour l'instant, non. Ça va venir. On le connaît, le Julien, ça va venir. S'ils annoncent de déménager, il y a eu les impôts, s'ils annoncent une petite connerie. Oh, ils annoncent une petite connerie, un Everybody's Golf spécial Microsoft, et c'est parti. Je vais laisser la parole à Dim cette fois sur la fameuse pastille des projets pourris, risqués et projets qui nous hype. Pour Dim, c'est les projets pourris, risqués, je crois que Dim, tu vas nous. Ah, c'est plus risqué que pourri, à mon avis, ça sera pas vraiment pourri. Mais... Alors, tu sais quoi ? Alors, premièrement, ça serait sur. Ça a été annoncé aussi au TGS, un nouveau combattant inédit pour Dragon Ball Z Fighters. Ouais. C'est enfin un combattant, peut-être pas, c'est un nouveau personnage, c'est C21. C'est un cyborg qui a une très grande intelligence égale à leur créateur, le docteur Gero du Ruban Rouge. Alors je trouve ça vraiment risqué parce que voilà, si c'est un personnage jouable, je trouve que c'est un peu dommage d'inventer un personnage au look un peu random. Hein. Je sais pas si vous avez vu le personnage en question, c'est une petite nana, on va dire vraiment dans le pur style Akira Toriyama avec une robe rouge et bleue dans mes souvenirs, avec des lunettes, enfin vraiment là, pas vraiment un look, elle a un look très classique. Et je trouverais ça un peu dommage d'avoir ça comme personnage, alors que bon, le roster de Dragon Ball, il est quand même assez élevé. Alors bon, en inventer d'autres, je trouve ça un peu futile. Après, si le personnage joue un grand rôle dans le mode histoire, et que si c'est bien écrit, peut-être, pourquoi pas, faudra voir. On attend plus de précisions là-dessus. Et mon deuxième projet risqué, pourtant c'est un projet qui a pas mal fait parler, et plutôt en bien, mais c'est Hokuto ga Gotoku, excusez-moi, hein. les amis japonais, je suis pas encore trop au point. Donc ce jeu qui a l'air quand même plutôt cool, c'est quand même un gros what the fuck en règle. C'est un mix entre Hokuto no Ken ou Ken le survivant chez nous, avec fait par les développeurs de Yakuza. Le jeu, voilà, je pense qu'il va pas être très fidèle à l'esprit du manga, car il se situera dans un monde. Il va pas se situer dans un monde post-apocalyptique, mais dans la cité d'Eden, une ville coupée du monde, mais avec tout le confort moderne, comme par exemple l'eau et l'électricité. Donc un Yakuza avec Kenshiro, ça peut être fun, mais j'ai vraiment du mal à saisir le concept. Et après, comme tout bon fanboy qui se respecte, je pense que je l'achèterai quand même. au moins juste pour faire, je sais pas si vous avez vu le trailer, pour faire des cocktails avec les techniques du Hokuto. Oh mon dieu. Bah rien pour ça. Il a un shaker, il se coupe hyper rapidement comme s'il faisait une attaque. Qu'est-ce que c'est con, mon dieu. Ouais, ça a l'air un peu débile. Ouais, moi, je le mettrais limite dans les projets risqués presque qui me hype. Ouais, c'est pas loin d'être un projet qui nous hype, ça dit donc. Ouais, faire un cocktail surtout. Ouais, c'est ouais. Le cocktail, moi, qui m'a. Là, tu m'as acheté au cocktail. Bon. Un Tom Cruise des japonais. En parlant de projets qui nous hype, Julien, du coup, je te repasse la parole. Toi, t'avais mis Left Alive dedans. Ouais, puisque pour parler de TGS, c'était un peu la surprise de la conférence Sony. C'est un jeu signé Square Enix. Alors, c'est un très très court trailer, je crois que c'est 1 minute 15, mais avec des noms qui font envie. Donc, les noms, alors peut-être ça va pas vous parler, je pense qu'un au moins va vous parler. Donc, déjà, il y a Shinji Hashimoto, donc c'est alors pas le créateur, je crois pas que ce soit le créateur, mais c'est un des directeurs de Front Mission, qui était un tactical RPG qui était sorti à l'époque sur Super Nintendo et qui était passé après sur PlayStation. Très très bon jeu, qui va être producteur du jeu, et surtout Yoji Shinkawa, qui est le character designer de Metal Gear. Donc tous les visages que vous voyez dans Metal Gear, c'est lui qui les a créés. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup à ce qu'il faisait pour Kojima. Et c'est Toshifumi Nabeshima, qui est lui pour le coup qui sera directeur, qui était dans Armored Core, qui est aussi un jeu de mecha. Donc là, on a une espèce de fusion de tout ça, puisque ça va être une ambiance un peu post-apocalyptique, un peu mecha. Donc en fait, les mechas dans Front Mission, c'est je crois les Wanzer, ouais. Qui sont des mechas, les mechas du jeu. Donc là, ça sera un first-person shooter. D'accord. Un third-person shooter, pardon. Ah. Donc, pour le coup, ça sera apparemment de la survie, apparemment un peu d'infiltration. Donc voilà, un truc quand même pas hyper original avec trois personnages jouables. Alors après, au début, on avait vu que des illustrations, un peu un teaser énigmatique. On a revu 5 secondes de gameplay, ça faisait un petit peu moins envie. C'était un petit peu moche, hein, faut le dire assez vite, même si ça durait, honnêtement, je pense que ça durait 10 secondes, même pas 10 secondes. Mais pour le coup, tu sais, c'est un peu le côté où tu as des grands noms qui t'annoncent un jeu. Donc tu es toujours un peu hypé quand tu aimes les gens qui. Enfin voilà, quand tu aimes les œuvres sur lesquelles ces types-là ont travaillé. Donc voilà, moi je suis plutôt quand même assez curieux. Et puis c'était une des rares surprises de la conférence, Sony, quoi. Bah écoute, on est intéressé effectivement donc par Left Alive qu'on a vu lors de la conférence Sony. On va passer à une autre pastille. Peut-être l'heure des trailers. Tu veux passer par l'heure des trailers, ouais, ouais. Parfait. Écoute, l'heure des trailers, on en a mis plusieurs. On en a mis un normal. Enfin, je pense que je sais pas si c'est Dim ou c'est toi qui l'as mis. Vous avez mis Super Mario Odyssey. Ah, ça, c'est un gros morceau, hein, forcément. Un Super Mario qui sort. On l'a eu longtemps, enfin, une longue présentation lors ouais. Nintendo Direct, quand même. En fait, quelques... c'est pas vraiment un trailer, c'était à la fois un trailer ouais. explicatif. Oui, il y a eu un mec, ça parlait dessus, etc. Voilà, etc. C'était Koizumi qui présentait le jeu, donc le producteur direct, je sais pas s'il est directeur. C'était 7 minutes pendant 7 minutes. 7 minutes, ouais. On a eu beaucoup d'extraits avec les mondes qu'on allait pouvoir explorer, avec le concept de la casquette, etc., de la jouabilité, comment elle allait se décliner, ouais. le concept de pouvoir prendre des photos et de les envoyer sur les réseaux sociaux. Ils ont un peu insisté là-dessus aussi, ouais. peut-être pour le côté un peu moderne, je sais pas. pas mal de choses, moi, qui m'ont fait dire oula, mais. Il y a beaucoup de contenu dans ce Super Mario Odyssey, en fait. Beaucoup plus que ce que je pensais, quoi. Ouais, tu parlais des mondes qu'on a vus. Il y avait notamment le Pays des Neiges, Flocon en Flonflonie, là. Hyper bien fait, avec une impression de froid qui est bien rendue. Il y a le Pays de la Mer, Pétillance. Ouais. Très joli aussi. Voilà. Une île tropicale, ils n'ont pas dit de nom, ils ont pas encore trouvé, ils sont en train de brainstormer à trouver des noms à la con. Tropical Island, les gars, oh putain, ouais, trop bon. Tropico Coco, tu vois, des trucs comme ça. Ils ont expliqué ouais, le principe des lunes et les capis, hein, puisque c'est le chapeau que tu pourras avoir. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces lunes-là. Ouais. Ouh là là, ça a l'air d'être une prise de tête à toutes les trouver dans les niveaux. Je pense qu'on va avoir des centaines d'heures de jouabilité, en fait. Enfin, ça donne vraiment cette impression, ce trailer. Ça a l'air d'être un peu un Mario 64, mais amélioré à l'extrême. Quoi. Ouais. Ouais, mais franchement, j'avoue que ça me hype à fond et je serais presque prêt à m'acheter une Switch pour ce jeu-là. Je l'ai mis pour te le vendre là. En plus, maintenant on voit les tétons de Marion. C'est la grosse info. Et puis un peu la façon dont on se déplace dans le monde entre les mondes. Je sais pas, ça faisait presque penser. On voyait une planète de loin. Ouais. Tu sais, ça faisait un peu penser à monde, ouais, un peu à Mario Galaxy. Tu vois. Ouais, un peu à Mario Galaxy. Est-ce qu'il y aura des passages Mario Galaxy? Parce que bon, ça c'est ce qu'on attend tous, hein, bien sûr. Non, je trouve que là ils arrivent bien à faire monter la hype sur le jeu. Ça vend le jeu et tu sens qu'il y a un contenu avec cette histoire de pouvoir incarner chacun des personnages. Alors bon, ils en remontrent certains. Tu les vois 2-3 fois, par exemple, dans la bande annonce. Donc tu te dis ah peut-être qu'en fait il n'y en a pas tant que ça, mais quand même enfin il y en a genre une bonne vingtaine et enfin voilà, connaissant la créativité Nintendo, ça m'a vachement rassuré. Enfin, j'avais pas besoin d'être rassuré, mais ça m'a vachement enthousiasmé ce ouais. Bizarrement moi ça m'a beaucoup plus hypé que le Zelda. Pourtant j'aime quand même bien Zelda mais celui-là ouais je sais pas, il me fait vraiment envie quoi. Ah, tu diras plus ça quand tu auras acheté le Zelda avec la Switch, tu vas dire oh mon dieu. T'avais des trucs à rajouter là-dessus, Julien, toi ? Non, ils ont montré des amiibo à la con, mais ils sont beaux. Ils sont pas mal, c'est ceux, tu sais, version marié. Ah, on va les acheter, quoi. J'ai envie d'avoir le petit Mario en, marié, en costume de marié, là, il est pas mal, quand même. Ouais. J'aime beaucoup aussi, il montrait sa première fois qu'il y a une chanson dans Mario. Ouais. Ouais. J'avoue que j'adore la chanson. Elle est très bien, ouais. Je sais plus qui chante. Pauline. C'est Pauline, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et elle ressemble beaucoup à du La La Land. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Donc ça, c'est pour Super Mario Odyssey. Ouais. Clairement, je pense que ça va s'acheter. On en parlera. C'est octobre, là, faut faire une émission spéciale. Fait chier. Projet Octopath Traveler, je pense que c'est Julien aussi. Ouais, un autre jeu Switch, d'ailleurs, il y a une démo, je sais pas si tu l'as essayé, non, mais j'ai pas encore essayé. Eu le temps. C'est un nouveau projet donc, de Square Enix. Ouais. L'idée, c'était, c'est le studio qui a fait Bravely Default, donc un RPG. Donc là, c'est vraiment l'idée de revenir au RPG classique. Ah bah clairement, là, ouais, c'est vraiment, vraiment même Final dans l'ambiance. Fantasy VI. Alors avec ce qu'ils ont appelé pompeusement de la 2D HD. Ah d'accord, c'est ça qu'ils appellent de la 2D HD. Okay. Donc on voit que c'est assez joli quand même en termes de, c'est un peu du pixel art. Ouais, c'est du. Mais en même temps, moi, la direction artistique, ça m'a fait penser au générique animé de Game of Thrones. Un petit peu, ouais. Mmh. Ce côté un peu Lego. Un peu, un petit peu, ouais, c'est ça. Ouais. Un côté un peu Lego. Et il y a 8 personnages. Donc là, il montrait surtout le guerrier. Mm. Et je sais pas ce que c'est, si c'est une voleuse. Enfin, voilà, il y a pour l'instant 2 personnages. Ça a l'air très, très écrit, en fait. Voilà, il y a vraiment des destinées de personnages. On sait pas trop encore comment ça va se passer. Moi, j'ai pas encore joué. Mais je trouve que le trailer, quand même, donne envie, même si ça tire un peu sur le côté un peu nostalgique. Ah, ouais, c'est un peu trop. On insiste sur le côté RPG auquel vous avez joué quand vous étiez jeune. Regardez, vous allez retrouver exactement la même chose. Bon, voilà. Bon, pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça a l'air quand même intriguant, et ça s'appelle donc Project Octopath Traveler. Voilà. Autre jeu que j'avais mis, bah, c'est le pour le coup, c'est un remake de Shadow of the Colossus. Très grand jeu, là, hein, forcément. Alors, moi, je suis un petit peu. T'es un peu déçu d'avoir un remake, toi Pas déçu, mais. Moi, j'ai un problème quand c'est les gens qui font les remakes, c'est pas les gens d'origine. Ah oui, ouais. Ah bah ça, je peux comprendre. Moi, ouais. C'est vraiment le truc, mais pour tout, hein. C'est-à-dire, si quelqu'un. Mais tu vois, on parle souvent de Lucas sur la première trilogie. Moi, tant que c'est Lucas qui fait ce qu'il veut avec ses Star Wars, ça me dérange pas. Mais quand d'autres personnes reprennent, là, on sait qu'il n'y a pas Fumito Ueda. Bon, après, c'est juste un remake un peu plus beau. Apparemment, ils vont pas rajouter de Colosse, ils vont pas rajouter de choses. Et c'est vrai que quand tu vois le jeu, c'est quand même beaucoup plus impressionnant. Ah bah. On rappelle, c'est un jeu qui est sorti sur PS2 à toute fin de vie de la PS2 et qui faisait vraiment ramer la PS2. Ouais, ouais. Il est ressorti après sur PS3 dans une version remasterisée, donc en HD, et vraiment qui expurgeait un peu tous les défauts, notamment liés à des ralentissements, à des choses qui ne fonctionnaient pas trop. C'est un très très grand jeu. Pour moi, c'est un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. Mmh. Honnêtement, voilà, c'est un jeu qui est magnifique. C'est une sorte de Zelda-like, mais en façon un peu désossée. Ouais. C'est comme onirique, si tu désossais à la fois sur des trucs un peu perdus. Il n'y a pas de village, il y a tout seul. Et il y a juste ces immenses colosses qui sont des niveaux à part entière. Enfin, c'est un très grand jeu. Moi, si vous ne l'avez jamais fait, voilà, soit faites-le sur PS3 ou soit attendez cette version... qui sortira sur tout ou là du coup tu penses que sur PS4 ou sur PS4 comment au niveau du gameplay et tout tu penses que ça a pas trop vieilli? Alors, ça a autant... Moi, pareil, je l'ai jamais fait et c'est vrai que ça me tenterait bien de le faire, mais c'est la question que je me posais. Alors je sais pas si là ils vont retoucher le gameplay. Moi je l'ai refait sur PS3 il y a pas si tellement longtemps. Alors ça a vieilli dans le sens où c'est un jeu qui a des mécaniques de l'époque PS2. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas du tout des sauts assurés. C'est un jeu qui est parfois un peu frustrant dans son gameplay, mais c'est ce qui fait la beauté du jeu. C'est-à-dire c'est comme Last Guardian, quoi. Si par exemple Last Guardian, les gens qui ont joué ont trouvé que les caméras étaient pourries, que la jouabilité était un peu compliquée ou était un peu ardue ou était rigide. Ah, c'était voulu en fait. C'était des jeux de l'époque PS2. Ils étaient conçus de cette façon-là. Donc c'est des jeux où parfois tu vas sauter sur un truc et ça va pas marcher. Tu vas te dire mais faut pas que je saute là. Alors que maintenant dans un jeu tu joues Uncharted, tu sais où tu dois sauter 99,99%. Oui, et puis tu peux pas te tromper. Mais pour moi, ça reste, même encore maintenant, ça reste un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. Alors, dernière bande annonce, trailer, en tout cas, moi, que j'ai... Alors, malheureusement, j'ai pas été le voir, je viens de m'en apercevoir. Ouais. Monster Hunter World, du coup, tu vas devoir un peu me décrire ce que c'est. Ouais, parce que moi, je l'ai mis parce que je suis pas tellement un fan de Monster Hunter. Ouais. J'avais commencé à m'y mettre, j'avais testé la démo sur Wii U et c'est un jeu qui est, pour le coup, qui a des mécaniques très archaïques et je suis pas rentré dedans. Je sais que c'est un jeu que si tu t'y mets, tu peux passer vraiment, 450 heures facilement. Passer des heures et des heures et tu comprends les mécaniques, mais c'était un jeu qui était très cloisonné, très sclérosé, parce que c'est des jeux qui étaient sortis sur PSP, après sur 3DS, il y a eu peu de versions salon, et là c'est la version PS4, il sortira aussi sur One et sur PC, mais c'est totalement ouvert, donc c'est un peu le Monster Hunter dont tu as rêvé, quoi. Ouais, enfin, un truc qui est hyper beau, voilà, c'est juste la DA, elle est magnifique. et c'est toujours de la coop à 4 dans un monde ouvert, donc c'est un peu, je trouve, le Monster Hunter pour les blancs, pour les gaijins, ouais. Mais moi c'est un peu ce à quoi j'ai envie de jouer à Monster Hunter. Bah c'est vrai que pour avoir aussi un peu comme toi essayé de tâter un peu le Monster Hunter, ouh la vache, purée, c'était un peu décourageant, ouais. Quoi, j'avais dû y passer 20 heures, je comprenais toujours rien, je savais pas trop comment j'y allais. Ah, t'as quand même passé pas mal de temps, ah ouais, sur 3DS passé... ou je sais. Non, c'était pas sur 3DS, je sais même plus, mais tu vois, c'était. Je me souviens que j'en avais chié, quoi. Ça, je me souviens. Ouais, c'est ardu au départ, hein, quand tu commences. Ouais, et j'en avais bien chié, et bon, je suis content s'il y a une version un peu plus. Tu vas voir le trailer. Plus, ouais, bon, après, voilà, encore une fois, est-ce que j'ai 450 heures à passer dessus? C'est une autre question, on verra. En tout cas, bah écoute, intéressant. Je crois qu'il nous reste les 15 prochains jours dans le jeu vidéo, mais avant, t'avais. Ah, il y a une autre pastille, ouais. Ouais, ouais, avant, il y avait une petite pastille de Julien. Je sais pas si t'avais encore des trucs, Dim. Non, c'est bon. C'était la pastille. J'ai pu placer mon couteau Noken dans ma maison. On l'attend, je l'attends également. Je sais qu'Yao l'attend beaucoup aussi. Ah bah ça m'étonne pas, tiens. Dès que c'est Yakuza plus, ouais, Yakuza déjà, plus Ken le survivant, ouais, il est là. Il n'y a pas moyen là. C'est une pastille rétro. Alors je sais pas si tu penses la faire revenir à chaque fois ou pas. Quel est le concept? Pour l'instant, j'ai que deux idées. Hein, d'accord. Donc c'est une pastille que vous ne verrez que dans les deux prochains podcasts. Enfin, je vais attendre un peu d'en avoir d'autres. Mais non, en fait, c'est une pastille au contour assez mal défini, un peu comme cette nouvelle formule. Qu'est-ce que tu sous-entends là? Donc en fait, ça s'appelle Rétro-Futur. Donc pourquoi Rétro-Futur? Alors l'idée, c'est pas de chroniquer en 2017 un vieux jeu que les moins de 30 ans ne pourraient pas connaître et c'est vrai qu'on pourrait se faire mousser en disant on était là avant vous, bande de cons qui avaient découvert le jeu vidéo à l'époque de la PlayStation. Cela dit, toi t'y étais vraiment. Non, plutôt c'est en fait de voir comment un concept, une idée ou vraiment un élément de gameplay a pu traverser le temps pour se retrouver dans un jeu récent, comment il a été modifié. Donc par exemple, l'autre idée que j'ai, c'est de parler du One-Up. Puisqu'on en reparlera à l'époque de Mario Odyssey. D'accord. Finalement, au début, tout le monde voulait attraper des vies avec les one-up. Mm. Et maintenant, finalement, on se passe des vies. Mm. Voilà, c'est le concept du one-up, je trouve que c'est un truc intéressant. Le champignon vert, je trouve que c'est un truc intéressant. Mais là, c'est plus l'idée de voir comment un jeu a survécu au passage du temps pour se retrouver dans l'actualité de 2017. Et en fait, c'est le cas de Windjammer. Et l'idée, c'est ma formule, c'est de dire que je vais essayer de démontrer pourquoi Windjammer 2017 est meilleur que Windjammer 94 alors que c'est le même jeu. D'accord. Tu vois, toute la technique est là. Donc en fait, pourquoi on parle de Windjammer aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, c'est un jeu qui revient dans l'actualité. Donc c'est un vieux jeu Neo Geo, ouais. Qui est sorti, je disais, en 94. Et en fait, Dotemu, des Français qui font de l'émulation, ont adapté le jeu quasiment à l'identique. Pour le coup, moi je l'ai acheté, il vaut une quinzaine d'euros. Et c'est le même jeu qu'à l'époque de la Neo Geo, avec un mode online en plus, et il est sorti sur PS4 et Vita. Donc en fait, Windjammer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, je pense qu'il y a des gens qui n'ont peut-être jamais joué, ou même peut-être jamais entendu parler, je ne pense pas quand tu... C'est connu comme titre, hein, quand même. Quand tu suis un podcast où peu de gens le suivent, tu connais à peu près quand même Windjammer. Donc c'est un jeu d'arcade en 1 contre 1, avec une vue du dessus sans scrolling. Ouais. C'est juste un écran fixe. Donc c'est un mélange de frisbee, de tennis, de air hockey et de pong. C'est un peu difficile à décrire parce qu'il n'y a pas forcément d'équivalent. C'est un frisbee quand même. C'est un frisbee, ouais, tu lances un frisbee, mais il y a un côté quand même assez violent. Oui, par contre, oui, voilà. Le truc est en feu, ouais, le truc est en feu, c'est des mecs assez bodybuildés. Ils sont pas là pour faire la cuisine, quoi. Ça y va, quoi. Ouais, c'est plus du speedball que du tennis, un peu à la top spin, quoi. Donc le but, en fait, c'est de marquer un certain nombre de points, généralement c'est 12, sur deux manches gagnantes, en lançant avec force ou finesse, hein, parce que tu peux aussi faire des petits coups un peu plus enroulés, des trucs un peu lobés pour les coups atterrisse de par terre. Pute dans la technique, voilà, dans le langage. Hein. Les coups de pute. le frisbee dans l'embute de son adversaire, donc c'est un concept, on va dire, simple comme bonjour. Ouais, c'est du pong, en fait. Hein, on pige de suite, c'est deux boutons, ouais. 8 directions. Il y a 2-3 subtilités parce que tu peux mettre des effets, tu peux mettre un petit lob, ouais. Pour les personnes, notamment quand tu joues contre les persos qui sont lourds. Ouais. Parce que tu as des persos très rapides, moyens et très lourds, mais qui frappent très fort par rapport à ceux qui sont moyens, qui frappent moyennement fort. Classique. Et ceux qui sont rapides, qui frappent pas fort. Du coup. Voilà, donc après, tu as 6 personnages. Choisis ton camp selon ce que tu veux, ce que tu as envie de faire. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 94, moi, quand Windjammer est sorti, j'avais 15 ans. Ouais. Et en fait, j'avais une Neo Geo chez moi, puisque ma première console que j'ai eue, c'est pas du tout une NES ou une Super NES, c'est une Neo Geo. À la chance. Voilà, mais c'est parce qu'avant, je jouais sur Atari. Ouais. Donc, j'ai pas du tout une NES ou de Master System. Et voilà, j'avais une Neo Geo, et sauf que moi, j'ai pas acheté Windjammer à l'époque, parce que j'avais été refroidi par les tests. Puis à l'époque, les tests, c'était un peu le seul moyen, on va dire, avec l'arcade, de se faire une idée sur un jeu. T'avais quoi, 4 magazines qui sortaient, et puis voilà, t'avais ton argent. Bah ouais. Puis voilà, pour le coup, en plus, quand tu savais le prix d'un jeu Neo Geo, ouais, tu pouvais pas non plus ça coûtait, on va dire, c'est l'équivalent de 200 euros aujourd'hui. Ouais. C'est comme si aujourd'hui, sur presque rien, tu te disais, tiens, je vais lâcher 200 euros sur un jeu Que je connais pas. Que quoi. Je connais pas. Alors, t'as pas vu de vidéo, t'as pas vu de choses comme ça, ouais. Tu pouvais le tester en arcade, mais t'avais pas forcément accès à une salle d'arcade quand t'as 15 ans, quoi. Ouais, puis ils avaient pas forcément Windjammer en plus. Ils avaient pas forcément Windjammer, puisqu'en fait, le jeu, il vient d'un grand nom de l'arcade, c'est Data East. Mais Data East, sur Neo Geo, ils avaient fait Carn of Revenge, qui est un jeu de baston vraiment moyen, qui était adapté de leur Carn of, qui est pour le coup un très très bon jeu. Et Spin Master, qui était. Moi, j'appelais ça Pin Master à l'époque. Voilà, on rigolait bien avec les amis. Hein. Toujours à la pointe de la blague. Toujours à la pointe de l'humour. Donc, Pinmaster, c'était un jeu en fait, où tu avais des espèces de yo-yo et c'était un jeu de plateforme action-aventure, okay. Mais pas génial. Et en fait, les tests étaient assez tièdes sur Windjammer parce que les critères d'appréciation et de notation de l'époque, bah, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de modes de jeu. C'est un jeu, en fait, t'as un mode arcade, t'as un mode versus et c'est tout. T'avais même pas de mode online à l'époque, puisque forcément tu joues pas online. Donc là, si tu l'achètes sur PS4, bah, tu auras les mêmes modes plus le mode online. Et tu vois que c'est un jeu, tu fais en fait très très vite le tour. T'avais donc une faible durée de vie, donc ça c'était hyper sanctionné à l'époque, surtout pour un jeu qui valait 1290 francs ouais. À l'époque. Ouais. Donc les mecs ils disaient attention, si tu voulais le finir en 30 minutes avec des crédits infinis, si vous mettez 1290 francs, ça énorme. Va vous faire une après-midi. Voilà, donc c'était un prix exorbitant. Et voilà, moi, comme beaucoup, j'ai redécouvert Windjammer après, d'abord sur Neo Geo CD, puisque les jeux étaient moins chers. Ouais. Tu payais là, pour le coup, un jeu 60 euros. Et surtout, en émulation, puisque sur PC, tu avais notamment Neo Rage, qui était un excellent émulateur. Et je pense que beaucoup de gens l'ont redécouvert à cette époque-là. Et finalement, tous les jeux, tous les défauts que le jeu avait, bah, ça n'avait plus le même poids qu'à la sortie. Quand tu as un jeu gratuit sur ton émulateur, si le gameplay est bon, bah, tu t'éclates dessus et tu te dis pas, putain, j'ai payé 1500 francs pour un jeu ouais. Que j'ai torché en une après-midi, ça me fait quand même un peu mal. Voilà, donc tu joues très dans un esprit un peu rétro gaming déjà à l'époque, en profitant de la qualité du titre, c'est-à-dire le gameplay. Et donc voilà, t'avais beau avoir des, à l'époque, moi quand je l'ai testé sur PC, t'avais beau avoir des polygones qui dominaient l'industrie, bah à la revanche des pixels, tu voyais déjà que ça allait arriver à l'horizon. Avant même l'explosion des jeux indés. Et en fait, en 2017, Windjammer, c'est quoi ? C'est un jeu qui a vraiment un esprit indépendant, quoi. C'est un jeu qui tient uniquement sur son gameplay, sur son feeling, et pas sur sa durée de vie ou sa capacité à se renouveler. Donc, comme plein de jeux indés qu'on va te vendre, je sais pas, 5 euros, 10 euros, voire 15 euros, et qu'on surtout un espèce de. Enfin, une grande qualité, c'est le gameplay, l'essence du jeu même. Il y a beaucoup de jeux indés qui tiennent sur. Il n'y a même pas de scénario, tu vas juste y jouer et c'est juste la mécanique qui va être importante. Une de mes profs de français disait que c'était la substantifique moelle. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de jeux indés où le gameplay c'est la substantifique moelle. Et aujourd'hui, bah voilà, les jeux indés ils ont remis le feeling arcade au goût du jour. Ils ont changé, je pense, la grille de lecture pour des jeux comme Windjammer qui rentraient moins dans les codes du chef-d'œuvre ou du culte en 94. C'était des jeux qui étaient peut-être déjà un peu balayés par d'autres jeux, peut-être plus fournis en contenu ou des jeux de baston, notamment sur la Neo Geo où tu avais vraiment. Pas mal de trucs à découvrir, pas mal de trucs à débloquer. Donc voilà, aujourd'hui en 2017, jouer à Windjammer, je trouve que c'est assez la classe, c'est un plaisir de jeu en passant. Toi, non, mais tu vas te faire juste une partie comme ça ouais. Et tu vas pas en attendre beaucoup plus. Tu vas l'avoir payé 10 euros, 15 euros. Donc tu vas y jouer comme ça de temps en temps et tu vas pas surinvestir comme tu pouvais le faire à l'époque. Et ouais. Je dis surinvestir, c'est à la fois en termes d'argent et c'est à la fois en termes de ce que tu peux en attendre. Mmh. Tu vois, par exemple, si à Windjammer, ça peut être ton jeu que tu vas juste avoir le mois, alors que là, c'est un jeu que tu auras parmi d'autres, soit sur ta liste Steam s'il sort sur PC, soit dans ton PS Store. Voilà, ça a le charme de l'ancien, c'est du pixel, c'est pas du polygone dégueulasse comme il y avait au début. Ouais, de la... et puis mine de rien, je pense quand même que le mode online que t'as. Enfin voilà, le mode pouvoir jouer contre d'autres joueurs. Ouais, sauf quand que même... le netcode est un peu à la rue. Ah bon, zut. Ça c'est dommage parce ouais, que mais... ça aurait pu ajouter pour le coup, tu ouais, vois, ça... un truc comme Rocket League. Rocket League n'est pas un grand jeu en soi, dans le sens où, bah en fait, si tu te dis, tiens, j'ai juste envie de marquer quelques buts, tu vois, voilà, de pas forcément m'investir dans la jouabilité, tu peux faire qu'une partie de 5 minutes et te dire, bah voilà, j'ai fait le tour de Rocket League. Ouais, mais en fait, moi je trouve que ça montre que les bons gameplay, ils vieillissent pas, eh bah et ils sont ouais. toujours d'actualité. Ouais. Et même, tu vois, faire un Windjammer contre un pote à toi sur ta PS4, c'est aussi bien qu'à l'époque, ouais. Sauf que c'est beaucoup moins cher. Et t'as digéré un peu tout ce côté argent que t'avais dépensé. Et c'est juste un bon petit jeu comme ça, finalement, comme j'ai en passant. C'est un peu comme Tetris, quoi. Finalement. Ouais, c'est un peu comme Tetris. Finalement, les bons gameplay vieillissent pas et on va pouvoir enfin le retester et le voir avec Windjammer. Ouais, tu vois, moi, ça me fait plaisir. Je refais un petit mode arcade comme ça tu donnes envie, de temps hein. en temps. Et même, j'ai essayé un peu online. Au début, ça avait super bien marché. Je me dis, c'est génial. Et le deuxième truc, c'était injouable. Ça, c'est dommage parce que, ouais, il y a un truc à filer là-dessus sur cette idée de mode online sur un Windjammer. Ça peut être très, très sympa. Mais moi je trouve que voilà, c'est un jeu qui fait peut-être plus sens en 2017 qu'en 94. Intéressant. Dis-moi. Mais ouais, j'ai aussi des très bons souvenirs sur ce jeu. J'y avais joué aussi en émulateur. On y avait peut-être même joué ensemble, Greg, je sais plus trop. C'est possible, ouais. Mais en fait, je sais pas si t'avais vu, Julien, il y a quelques mois sur le PS Plus, ils offraient un jeu où je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup au niveau du concept. Ouais, Disque Jam. Sauf que c'était en 3D et tout, et ça marchait beaucoup moins bien. Ouais, c'est pas un mauvais jeu. Il y a peut-être plus de possibilités de gameplay dedans, de finesse. Mais en fait, je pense que dans 10 ans, en 2027, on rejouera à Windjammer et je pense qu'on aura oublié de Disc Jam. Bah, finalement, ouais, c'est jeu. Exactement ça, quoi. Ouais. Je pense que ça aura super mal vieilli, alors que là, c'est assez ouais. intemporel, quoi. Là, franchement, prenez-le sur Vita ou sur. Je crois qu'il sort sur Switch dans 6 mois. Ah. Voilà, donc si tu veux te le intéressant, refaire. Intéressant, ouais. Voilà, donc ça bah, reste un jeu inusable. Je trouve que tu nous as bien vendu et le en truc. Et en plus, juste une dernière chose aussi, maintenant, il y a l'e-sport qui s'y met. Ah ouais. Et donc ouais, il y a les tournois de Windjammer. Ouais, ouais. Donc ça redonne une notoriété au jeu. Ouais, bah ça veut dire que le gameplay en plus ça peut être assez long à maîtriser, puisque si on en parle dans voilà dans l'e-sport, c'est que il y a des spécialistes et des pros du Windjammer. Ah oui, il y a des fitness, hein, ça joue beaucoup dans les salles d'arcade quand tu vas ou à l'Extrive Café, tu vois, au Extrive Café, je crois, où tu peux y jouer. Bah écoute, intéressant, merci pour cette rubrique rétro-futur, on verra s'il y aura d'autres numéros du coup de cette pastille au moins, rétro-futur, en tout cas c'était super intéressant, donc merci. Bah écoute, je propose qu'on finisse, on a fait le tour de la partie jeux vidéo, et on va la conclure bah, maintenant comme la partie divertissement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les 15 prochains jours dans le jeu vidéo. Alors ce sera peut-être des fois un peu plus dur que dans la divertissement, ouais, parce qu'il n'y a pas de sortie ciné, il n'y a pas de, de date forcément aussi claire que les mercredis pour le cinéma en France. Même si là il y a beaucoup de jeux qui vont arriver puisque Noël approche. Donc. Exactement, et notamment il y a aussi un truc qui va sortir dans la semaine qui vient. Dimitri nous l'a écrit sur le conducteur commun finalement. Pour les pigeons, c'est ça. C'est pour les pigeons comme lui et moi, hein, parce que je l'ai également précommandé. C'est la Super Nintendo Mini. Eh ouais, salut les pigeons, on l'a acheté. Bah voilà, hein, une console mythique, des jeux mythiques, il en fallait pas plus, quoi. Franchement, ouais, alors ça fait peur, parce qu'en plus, on s'était dit à ce moment-là, on savait pas que la NES Mini allait être rééditée en Europe, etc. Donc on s'est dit, putain, il va falloir la commander tout de suite. Donc Dim et moi, Dim a dû m'envoyer un texto à 6h43 du matin, en me disant, putain, c'est aujourd'hui, déconne pas, elle est sur la Fnac. Et je crois que honnêtement, je l'ai précommandé, Dim me l'a dit, je l'ai précommandé 2 minutes après, et j'ai été revoir 2 minutes après, il n'y en avait plus. Donc c'était. Ouais, bah, c'est exactement ça. Ouais. C'était vraiment. Apparemment, au Japon, c'est chinois. L'enfer pour en avoir une, c'est impossible. Ah bah là, plus qu'une Switch. Là, pour l'instant, on pourrait, le jour où on la reçoit, la revendre carrément sur eBay le jour même. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu l'acheter pour faire ça. Il y a déjà des prix monstrueux sur eBay. Je pense que ça ne sera pas comme la NES Mini où. Moi, je sais que je l'ai acheté, limite, elle prend la poussière, quoi. Ouais, moi, c'est un peu pareil. Enfin, à chaque fois que je passe devant, je suis content parce qu'elle est belle et tout. Je suis content de la voir, mais j'y joue jamais. Alors que là, je pense que je vais beaucoup plus y jouer. Par exemple, moi, j'ai jamais fait le Zelda sur la Super NES. Donc, le Zelda 3. Oh la vache, non. Le mouvement, quoi. Oh là là. Ah oui, donc, dès ce week-end, je vais l'attaquer, je pense. Voilà, on va le mettre dans le numéro 1 dans le classement des 100 meilleurs jeux vidéo de l'histoire de Upcast, celui-là. Allez, enfin. Ah, tu mettrais devant Ocarina of Time. Ah, je sais pas, mais il serait très beau, celui-là, quand même. Oh, le 3. Bon, bref, ça, c'est pour la Super Nintendo Mini, donc on va passer un peu de temps dessus. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, quand on va la recevoir. Merci, la Fnac. Et Julien, toi, t'as mis 2 sorties de jeux. Ouais, donc le 20, je m'y connais. 28. Ah oui, parce que Picross 16 qui arrive sur Switch. Donc Picross, j'en avais parlé. Je sais pas si j'avais parlé du Picross 3D qui était sorti sur 3DS. Donc c'est un jeu où il faut simplement. C'est un principe un peu de noircir des cases pour faire un motif. Il ne faut pas se tromper. C'est un peu un mélange entre le sudoku et je sais pas trop comment le décrire en fait. Ouais. Et bah, c'est génial. C'est un jeu de réflexion. C'est un jeu de réflexion et de logique par rapport. Voilà. Sachant que toi, t'es pas un grand fan des jeux de réflexion logique d'habitude, mais là, Picross, t'as plutôt accroché au concept. J'aime bien les jeux de réflexion logique, mais je suis pas du tout logique. Ah, d'accord, ok, c'était mais ça. Voilà. Mais en fait, Picross, c'est un peu différent parce que quand tu te trompes, tu perds du. Enfin, t'as une note moins bonne ou tu vas. Mais tu t'es pas bloqué en fait. D'accord. Toi, c'est pas comme un jeu, je passe The Witness, si tu trouves pas la solution, bah t'es bloqué. Oui. Ou t'as l'air d'un con, tu vas avoir la solution et ça te gâche le truc. Ouais. Là, simplement, tu fais une moins bonne note, donc voilà. Si ta logique est moins bonne, le jeu, quelque part, s'adapte à ta logique. Et donc là, il arrive, il a été annoncé en fait la semaine dernière. Ouais. Je crois pendant, je sais même plus à quel moment, je crois que c'était, je sais pas si c'était TGS ou là, et il sort une semaine après. Bah ça, c'est ça, pratique. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Donc c'est idéal pour Switch. Hein. C'est pas comme l'autre jeu que tu vas annoncer, qui est presque en train de devenir une arlésienne. Ah, jeux vidéo, oui. Tellement ça fait longtemps qu'on l'essaye. Ouais, Cuphead, on en a parlé il y a super longtemps parce qu'on l'avait testé à la. Ouais, je crois que c'était à la Paris Games Week il y a 2 ans. Ouais. Donc au début, c'était simplement un boss rush. Ouais. Donc juste des boss à combattre avec une DA style un peu les Mickey Mouse, Steamboat Willie des années 20 et 30, je crois. Ouais. Et c'est juste magnifique dans la DA. Alors maintenant, c'est devenu un jeu de plateforme. Très très dur, hein, si on en croit à Din Takahashi dont on avait parlé. voilà. Non, ça a l'air assez dur. Moi, j'ai très très peur de la partie plateforme. Parce que faire un jeu de plateforme, c'est pas pareil que faire un boss rush. Un boss rush, ça tient sur les patterns des ennemis. Un jeu de plateforme, ça tient sur la façon, sur du level design. Bah ouais. Donc c'est complètement différent. Donc et c'est beaucoup plus dur de faire un jeu de plateforme, je trouve. Et surtout, c'était pas prévu, quoi. C'est pas prévu. Et moi, j'avais beaucoup aimé la partie boss rush. J'ai très peur que la partie. Mais bon, je vais l'acheter parce que c'est un des jeux que j'attends le plus. Bah ouais. Pas tant de jeux que ça qui sortent sur Xbox One. C'est ça. Puis bon, il faut quand même dire que voilà, c'est du hardcore gaming. Donc là, toi, t'es assez client de ce genre de truc. J'aime bien. C'est vrai que quand on avait joué à Paris Games Week, notamment avec Chine, ouais. On s'était bien pris la tête pour les boss. On avait bien crisé. Ouais. Il y avait plein de gens qui étaient autour de nous en train de jouer, notamment des gens qui étaient assez proches de bas gauche droite. Et c'est vrai que les gens étaient là, ouais, je suis passé ce boss là et tout. Il y avait une espèce d'émulation autour de ça. C'est vrai que c'est un jeu qui est pas évident. On verra si la partie plateforme est plus réussie ou alors elle est vraiment foirée. Et c'est pour ça que le jeu est dur. Ouais. Des fois, ça peut être ça aussi. Hein. Non, mais déjà les boss rush étaient durs à ce moment-là. Les boss rush étaient durs, mais ils étaient bien foutus. Quoi. Ouais. Et puis la DA est juste hallucinante. Si vous avez le 29, c'est donc vendredi. C'est 29, ouais, c'est ça. Donc si vous avez des gros doigts comme moi ou Marcus ou autre, c'est pas la peine, quoi. Tu peux le prendre sur PC, par contre. Ouais, non, mais je vais quand même pas réussir. Donc, c'est moi Super Meat Boy, je m'arrête au niveau 3. Donc voilà. Ouais, non, tu dis. Et le 4 octobre, je crois que c'est ça, hein, le Forza 7 pour toi, Julien. Je sais plus quelle date c'est. D'ailleurs. T'as noté ça. Bon, bref, ouais, c'est 4 octobre. Bientôt. Ouais, c'est dans la semaine du 4 octobre. Début octobre, c'est un peu étonnant qu'ils sortent pas pour la Xbox One X. On peut déjà tester la démo, voilà, c'est pas mal, c'est Forza. Moi, je m'ennuie toujours un peu au bout de 10 heures à Forza, Forza Motorsport. Je préfère Forza Horizon, qui est plus le côté un peu arcade, de la série avec des beaux paysages, un peu style Motorstorm que moi j'aimais beaucoup sur PlayStation 3. Mais bon, voilà, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, et c'est vrai que si comme un pigeon j'achetais une Xbox One X, c'est un jeu que j'ai rien testé pour voir un peu le gap un peu graphique que peut apporter la Xbox One X. C'est dur à dire après 4 heures d'émission. Regardez-moi le, celui qui va acheter voilà. Xbox One X. Je sais pas encore. Et après, c'est nous les pigeons. Hein. Ça recoule déjà et c'est en train de se plaindre. Eh ben putain. Non, Forza 7, c'est du beau, très beau jeu. Voilà, donc c'est vrai que c'est en général le jeu qui fait un peu le boulot pour quand t'as envie de te mettre une claque graphique. Bah écoute, ça va conclure, mes chers amis, ça va conclure notre partie jeux vidéo et notre podcast. Ouais. Et Dim avait un truc à dire, je crois. Et Dim avait un petit message juste à faire passer. Un petit coup de pub pour un site ami podcast, s'appelle legeekmoderne.fr. Donc c'est un site qui traite à peu près les mêmes thématiques que nous, hein, c'est-à-dire ciné, séries, jeux vidéo. Eux, ils ont aussi une partie techno hein, que nous, on n'a plus, malheureusement. Non. Et voilà, quoi, un site plutôt bien fait où le rédac chef est assez présent aussi sur les réseaux sociaux. Il fait aussi des lives sur YouTube, des lives de jeux vidéo. Quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Tu dis que ça s'appelle le geekmoderne.fr. Le geekmoderne.fr. Et puis on essaiera peut-être même d'inviter le rédac chef à participer à un podcast s'il veut. Pourquoi pas ? Bah écoute, on verra c'est ça dans avec les tuyaux peut-être. C'est peut-être déjà dans les tuyaux. De la nouvelle formule. D'accord, ok. Bon, écoute, alors on verra ça. En tout cas, allez faire un tour sur legeekmoderne.fr, allez faire un tour sur upcast.fr, pourquoi pas, pour venir nous dire dans les commentaires ce que vous avez un peu pensé de cette nouvelle formule révolutionnaire. Quoi, hein. Bah, je pense en fait, si on n'avait pas dit que c'était une nouvelle formule, personne ne serait aperçu. Ouais, c'est la révolution d'octobre des podcasts voilà. Qui est en train de se passer en direct. Non, mais c'est ici. Un peu une révolution à la Apple, tu vois. On enlève juste une prise jack. Ouais, on enlève des trucs et on vous le fait payer plus cher. Même pas. Non, il n'y a même pas de Patreon encore. Donc, non, il n'y en aura jamais. Non, il n'y en aura pas. En fait, on va chier sur tous les podcasts qu'on n'est pas très. Ouais, ça va être la nouvelle politique c'est notre de podcast. On va gueuler tout le temps maintenant. Voilà. Donc, venez sur upcast.fr si vous avez envie de nous dire un petit coucou. Il y a eu des nouveaux commentateurs. Oui, il y avait pas mal de commentateurs, notamment sur la partie estivale, puisque les gens ont dit un peu à quoi ils jouent. On n'a pas fait de débrief. Très sympa. Peut-être qu'on fera un débrief maintenant. Peut-être. Ouais, ce serait pas mal. On verra si on a plus de temps. En tout cas, on vous remercie pour les commentaires que vous nous avez laissés. Il y a des trucs intéressants. Vous pouvez aller voir sur ce que les gens ont fait l'été. Et puis il y a eu des bons conseils du coup, clairement. Et les gens étaient assez d'accord avec moi pour l'instant sur Sonic. Hein. J'ai pas eu. De... Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais un peu étonné. Tu vois. Les gens savent que Sonic. C'est donc sachant que Julien a dit que voilà, Sonic c'était de la merde. Hein. Toujours Julien. Ses avis tranchés. Là, c'était sur Radiohead. Je prends encore des risques. Hein. Sonic, on est comme Radiohead. La prochaine fois, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais... Bon, je le dis quand même au cas où. Mais si vous avez 2 minutes pour aller sur iTunes, nous mettre quelques étoiles et un commentaire. Ça marche encore ça. C'est... Bah le truc c'est que ça nous aiderait quand même éventuellement à nous faire voir un peu dans cet univers. Je crois qu'on est toujours en technologie sur. Non, j'en sais rien. C'est pas que je m'en fous, mais tu vois, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus écouté, mais je sais pas si on a la force. Mais on est toujours en techno, non ? Bah, moi j'avais demandé à changer maintenant. Est-ce que Apple nous a écouté ? Parce que tu sais, c'est une merde. Bon, bref. On va appeler Tim Cook, on va dire Tim Cook. Bon, ouais, t'arrêtes 2 minutes de sortir. On des est plus en techno, merde. Ça suffit là. Bon, enfin voilà. Bon, on se finit en musique et du coup, on finit avec les Foo Fighters, je crois. Et Dim, tu voudrais qu'on mette quel morceau en musique de fin ? Ah, bah je serais bien chaud pour Sky is the Neighborhood. Eh ben écoute, voilà, trouver après. Si je le trouve sur YouTube sans trop de problèmes, ça devrait être bon. Sinon, ça sera ça doit être facilement trouvable. Ok, bah voilà. Donc, on vous laisse avec les Foo Fighters. On vous dit à dans 15 jours. Salut à tous. Salut. Salut.